Deuxième partie. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je veux revenir parmi vous. En vérité, alors, mes frères, avec d'autres yeux, je chercherai ceux que j'ai perdus. C'est d'un autre amour que je vous aimerai alors. Zarathoustra, de la vertu qui prodigue. L'enfant au miroir. Là-dessus, Zarathoustra retourna dans les montagnes et dans la solitude de sa caverne et s'éloigna des hommes, attendant tel un semeur qui a répandu sa semence. Mais son âme se remplit d'impatience et d'avidité pour ceux qu'il aimait, car il avait encore beaucoup à leur donner. Ceci, en effet, est le plus difficile. Fermer par amour la main ouverte et garder la pudeur, tout en étant celui qui prodigue les présents. Ainsi, les mois et les années passèrent pour le solitaire, mais sa sagesse croissait et le faisait souffrir par sa plénitude. Mais un matin, il s'éveilla déjà avant le lever du soleil, réfléchit longtemps étendu sur sa couche, et dit enfin à son cœur « Pourquoi me suis-je ainsi effrayé dans mon rêve au point de m'en être éveillé? Un enfant qui portait un miroir ne s'est-il pas approché de moi ?»« Oh Zarathoustra, me dit l'enfant, regarde-toi dans ce miroir. » Mais lorsque je regardais le miroir, je poussai un cri, et mon cœur fut bouleversé. Car ce n'est pas moi que j'y vis, mais le masque grotesque et le rire sardonique d'un diable. En vérité, je comprends trop bien ce que signifie ce rêve et quel avertissement il contient. Mon enseignement est en danger. L'ivraie veut se faire passer pour du froment. Mes ennemis sont devenus puissants et ont défiguré l'image de ma doctrine, de sorte que mes bien-aimés sont obligés d'avoir honte des dons que je leur ai faits. J'ai perdu mes amis. Voici qu'est venue l'heure de chercher ceux que j'ai perdus. Sur ces mots, Zarathoustra se leva d'un bond, mais non comme quelqu'un d'effrayé qui cherche à reprendre son souffle, mais bien plutôt comme un voyant et un chanteur dont l'esprit s'empare. Son aigle et son serpent le regardèrent, étonnés. Car pareil à l'aurore, un bonheur qui venait s'exprimait dans son visage. « Que m'est-il donc arrivé, mes animaux ?» dit Zarathoustra. « Ne suis-je pas transformé ? Mon allégresse ne m'est-elle pas venue comme une bourrasque ?» Mon bonheur est insensé, et il va dire des choses insensées. Il est encore trop jeune. Aussi, soyez patient avec lui. Je suis blessé par mon bonheur. Que tous ceux qui souffrent soient mes médecins. Je peux maintenant redescendre auprès de mes amis, et aussi de mes ennemis. Zarathoustra, de nouveau, peut parler et prodiguer ses dons, et faire au bien-aimé le plus de bien. Mon amour impatient déborde à flot. Il veut descendre, s'épandre, s'abîmer. Des montagnes silencieuses et des orages de la souffrance, mon âme descend en mugissant vers les vallées. J'ai trop longtemps désiré et regardé dans le lointain. Trop longtemps j'ai appartenu à la solitude. Ainsi, j'ai désappris à me taire. Je ne suis plus que bouche, le mugissement d'un torrent tombant d'un haut rocher. Je veux précipiter mon discours dans les vallées et que mon fleuve d'amour se jette dans le non frayé. Comment un fleuve, au bout du compte, n'aboutirait-il pas à la mer? Certes, un lac est en moi, un lac solitaire, qui se suffit à lui-même. Mais le fleuve de mon amour l'emporte avec lui, vers la mer. Je suis de nouvelles voix. Il me vient un art nouveau du discours. Je me suis fatigué, comme tous les créateurs, des langues anciennes. Mon esprit ne veut plus cheminer sur des sandales éculées. Je trouve que tous les discours s'écoulent trop lentement. Je saute dans ton char, tempête, et même toi, je veux encore te foyer de ma méchanceté. Je veux passer sur des mers lointaines comme un cri et une clameur joyeuse, jusqu'à ce que je trouve les îles bienheureuses où séjournent mes amis, et mes ennemis parmi eux. Comme j'aime dorénavant chacun, quel qu'il soit, pourvu que je puisse lui parler. Mes ennemis eux aussi font partie de ma félicité. Quand je veux monter sur mon cheval le plus impétueux, c'est mon javelot qui m'y aide le mieux. Il est le valet toujours prêt pour mon pied, le javelot que je lance sur mes ennemis, que je suis reconnaissant à mes ennemis de pouvoir enfin le lancer. Trop grande était la tension dans mon nuage. Entre les éclats de rire des éclairs, je veux projeter dans l'abîme des averses de grêle. Ma poitrine, alors, se soulèvera formidable. Elle soufflera sa tempête par-dessus les montagnes. C'est ainsi qu'elle se soulagera. En vérité, mon bonheur et ma liberté viennent pareil à une tempête. Mais il faut que mes ennemis croient que c'est le malin qui fait rage au-dessus de leur tête. Oui, vous aussi, mes amis, vous serez effrayés par mon impétueuse sagesse sauvage, et peut-être vous enfuirez-vous pêle-mêle avec mes ennemis. Ah, que j'aimerais savoir vous ramener en soufflant la flûte du berger. Ah, que ma lionne sagesse apprenne à rugir tendrement. Nous avons déjà appris tant de choses ensemble. Ma sagesse sauvage devint gravide sur les monts solitaires. Elle a enfanté sur des pierres rêches son enfant le plus jeune. La voilà qui court, comme une folle, à travers le désert aride et elle cherche, cherche sans cesse l'herbe tendre, ma vieille sagesse sauvage. Sur l'herbe tendre de vos cœurs, mes amis, sur votre amour, elle aimerait coucher ce qu'elle a de plus cher. Ainsi parlait Zarathoustra. Sur les îles bienheureuses. Les figues tombent des arbres, elles sont bonnes et sucrées, et en tombant, leur pelure rouge éclate. Je suis un vent du nord pour les figues mûres. Ainsi, pareil à des figues, ces préceptes tombent à vos pieds, mes amis. Buvez-en le jus, mangez-en la chair sucrée. C'est l'automne tout alentour et le ciel est pur, et c'est l'après-midi. Voyez quelle abondance autour de nous, et il est beau de regarder du sein de la profusion vers les mers lointaines. Jadis, on disait Dieu en regardant vers les mers lointaines. Maintenant, je vous apprends à dire le surhumain. Dieu est une conjecture, mais moi je veux que vos conjectures n'aillent pas plus loin que votre volonté créatrice. Pourriez-vous créer un dieu? Alors cessez donc de parler des dieux quels qu'ils soient, mais vous pourriez certes créer le surhumain. Peut-être pas vous-même, mes frères, mais vous pourriez vous transformer en père et en ancêtre du surhumain. Que ceci soit le meilleur de votre œuvre. Dieu est une conjecture, mais moi, je veux que votre faculté de conjecturer se tienne dans les limites du pensable. Pouvez-vous penser un Dieu? Mais alors voyez votre volonté de vérité dans la transformation de toute chose en chose pensable, visible et sensible pour l'homme. Vous devez pousser votre pensée jusqu'au bout de vos propres sens. Et ce que vous appeliez monde, il faut que vous commenciez par le créer. Il doit devenir votre raison, votre image, votre volonté, votre amour. Et ceci pour votre félicité, ô vous qui accédez à la connaissance. Et comment voudriez-vous supporter la vie sans cet espoir, vous qui accédez à la connaissance? De naissance, vous n'avez pu être situé ni dans l'inconcevable, ni dans le déraisonnable. Mais que je vous ouvre mon cœur tout à fait, mes amis. S'il existait des dieux, comment supporterais-je de ne pas être un dieu? Donc il n'existe pas de dieu. Telle est la conclusion que j'ai tirée, or c'est elle maintenant qui me tire. Dieu est une conjecture, mais qui pourrait épuiser tous les tourments de cette conjecture sans en mourir? Veut-on enlever sa foi au Créateur et à l'aigle son vol qui plane dans les lointains d'aigle? Dieu est une pensée qui rend tordu tout ce qui est droit et qui fait tourner tout ce qui se tient ferme. Comment? Les temps seraient révolus? Et tout ce qui est périssable ne serait que mensonge? Penser cela donne le tournis et le vertige à la carcasse humaine, donne à l'estomac l'envie de vomir. En vérité, j'appelle faire de telles conjectures la maladie du tournis. J'appelle mauvaise et inhumaine toutes ces doctrines sur l'un plein, immobile, rassasié et impérissable. Tout ce qui est impérissable, ce n'est que parabole. Et les poètes mentent trop. Mais c'est du temps et du devenir que doivent parler les paraboles les meilleures. Elles doivent être louange et justification de tout ce qui est périssable. Créer. Voilà la grande délivrance de la souffrance. Voilà ce qui rend la vie légère. Mais pour qu'existe celui qui crée, il faut beaucoup de souffrance et de métamorphose. Oui, vous qui créez, il faut qu'il y ait beaucoup de morts amères au sein de votre vie. Ainsi vous êtes les intercesseurs et les justificateurs de tout ce qui est périssable. Pour que le Créateur soit lui-même l'enfant nouveau-né, il lui faut aussi vouloir être la parturiente et la douleur qu'éprouve la parturiente. En vérité, j'ai suivi mon chemin à travers sans âme et sans berceau et sans douleur de l'enfantement. J'ai déjà maintes fois dit adieu, je connais ces dernières heures qui vous brisent le cœur. Mais c'est ainsi que le veut ma volonté créatrice, mon destin. Ou pour vous le dire avec plus de franchise, un tel destin, justement, ma volonté le veut. Tout ce qui sent, souffre en moi, est emprisonné en moi. Mais mon vouloir vient toujours à moi comme mon libérateur, comme celui qui m'apporte la joie. Vouloir libère. Telle est la véritable leçon de la volonté et de la liberté. C'est elle que Zarathoustra vous enseigne. Ne plus vouloir, et ne plus jauger, et ne plus créer. que cette grande lassitude-là reste à tout jamais loin de moi. Même dans l'accès à la connaissance, je sens le plaisir qu'a ma volonté d'engendrer et de devenir. Et s'il y a de l'innocence dans mon accès à la connaissance, alors c'est parce qu'en elle, il y a de la volonté d'engendrer. Cette volonté m'attira loin de Dieu et des dieux. Qu'y aurait-il donc à créer s'il y avait des dieux ? Mais mon ardente volonté de création me ramène sans cesse à l'homme. De la même façon, le marteau se trouve entraîné vers la pierre. Ah, vous les hommes, je trouve qu'une image dort dans la pierre, l'image de mes images. Ah, pourquoi faut-il qu'elle dorme dans la pierre dure, dans la pierre la plus laide ? Or voici que mon marteau frappe cruellement au mur de sa prison. Des éclats de pierre s'envolent, que m'importe ? Je veux achever l'image, car une ombre est venue jusqu'à moi. Ce qu'il y a en toute chose de plus léger et de plus silencieux m'a un jour visité. La beauté du surhumain est venue à moi comme une ombre. Ah, mes frères, que peuvent bien m'importer encore les dieux ? Ainsi parlait Zarathoustra. Des compatissants. Mes amis, un propos moqueur est venu aux oreilles de votre ami. Regardez-le, Zarathoustra. Ne se promène-t-il pas parmi nous comme si nous étions des animaux ? Mais il est mieux de dire, celui qui accède à la connaissance, quand il se promène au milieu des hommes, il se promène réellement au milieu d'animaux. Mais l'homme lui-même, pour celui qui accède à la connaissance, se nomme l'animal qui a les joues rouges. Pourquoi a-t-il les joues rouges ? N'est-ce pas parce que trop souvent, il lui a fallu avoir honte ? Oh, mes amis, ainsi parle celui qui accède à la connaissance. Honte, honte, honte, telle est l'histoire de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme noble s'impose de ne pas faire honte. Il s'impose la honte devant tous ceux qui souffrent. En vérité, je ne les aime pas, les compatissants, qui sont bien heureux dans leur pitié. Il leur manque par trop la honte. Si je dois être compatissant, du moins je ne veux pas qu'on me le dise. Et si je le suis, alors que ce soit de loin, j'aime aussi me voiler la face et m'enfuir avant que l'on ne m'ait reconnu. Et je vous conseille de faire de même, mes amis. Face mon destin que je ne rencontre jamais sur ma route que des gens qui ne souffrent pas, tels que vous. Des gens avec qui je puisse partager l'espérance, le repas et le miel. En vérité, pour ceux qui souffrent, j'ai fait ceci ou cela. Mais il me semble m'être toujours fait davantage de bien en apprenant à me réjouir mieux. Depuis qu'il existe des hommes, l'homme s'est trop peu réjoui. Cela seul, mes frères, c'est notre péché originel. En apprenant à mieux nous réjouir, nous oublions d'autant mieux à faire du mal à d'autres et à nous imaginer comment faire le mal. C'est pourquoi je me lave la main, qui a aidé celui qui souffre, et c'est pourquoi même je m'essuie l'âme. Car d'avoir vu celui qui souffre, j'en ai eu honte pour sa pudeur même, et quand je l'aidais, j'ai gravement attenté à sa fierté. Avoir de grandes obligations à l'égard de quelqu'un ne crée pas la reconnaissance, mais le désir de vengeance. Et si le petit bienfait n'est pas oublié, il en sortira un petit ver rongeur. Soyez sobre dans vos acceptations. Faites de votre acceptation une faveur que vous accordez. Voilà ce que je conseille à ceux qui ne peuvent rien donner. Mais moi, je suis de ceux qui donnent. J'aime faire des cadeaux en amis, aux amis. Mais que les étrangers et les pauvres viennent eux-mêmes cueillir les fruits de mon arbre, cela fait moins honte. Mais les mendiants, il faudrait les supprimer complètement. En vérité, on s'irrite de leur donner et on s'irrite de ne pas leur donner. Il en va de même pour les pécheurs et les mauvaises consciences. Croyez-moi, mes amis, quand la conscience mordille, cela apprend à mordre. Mais le pire, ce sont les pensées petites. En vérité, mieux vaut encore avoir fait du mal que d'avoir pensé petit. Certes, vous dites, le plaisir donné par de petites méchancetés nous épargne maintes actions graves. Mais c'est là, justement, qu'on ne devrait pas songer à l'épargner. La mauvaise action est comme un abcès. Elle démange, élance, puis elle crève. Elle parle loyalement. Voyez, je suis maladie. Voilà ce que dit la mauvaise action. C'est cela, sa loyauté. Mais la pensée petite est pareille à la moisissure. Elle rampe et se tapit et prétend n'être nulle part jusqu'à ce que le corps entier soit pourri et flétri de petits champignons. Mais à celui qui est possédé du diable, je lui dis ceci à l'oreille. Il vaut mieux encore élever ton diable qu'il devienne grand. Pour toi aussi, il existe encore un chemin vers la grandeur. Ah, mes frères, On sait toujours quelque chose de trop de chacun. Il en est même qui deviennent transparents, mais il s'en faut encore de beaucoup pour que nous puissions les transpercer. Il est difficile de vivre avec les humains parce qu'il est difficile de se taire. Et ce n'est pas à l'égard de celui qui nous répugne que nous sommes le plus intraitables, mais c'est à l'égard de celui qui ne nous regarde en rien. Mais si tu as un ami qui souffre, alors sois un lieu de repos pour sa souffrance. Mais sois un lit dur, un lit de camp. C'est ainsi que tu lui seras le plus utile. Et si un ami te fait une vilenie, alors dis « Je te pardonne ce que tu m'as fait, mais que tu te le sois fait à toi, comment pourrais-je le pardonner ?» Ainsi parle tout grand amour. Il surmonte même le pardon et la compassion. Il faut retenir son cœur, car si on le laissait aller, combien vite alors on perdrait la tête. Où donc, hélas, de plus grandes sottises ont-elles été commises au monde que chez les compatissants? Et qu'est-ce qui a créé le plus de souffrance dans le monde que les sottises des compatissants? Malheur à tous ceux qui aiment et qui n'ont pas en outre une hauteur qui soit au-dessus de leur pitié. Un jour, le diable me parla ainsi. Dieu aussi a son enfer, c'est son amour pour les hommes. Et il y a peu, je l'entendis dire ce mot. Dieu est mort de sa compassion pour les hommes. Ainsi gardez-vous de la pitié, de là viendra encore un lourd nuage pour les hommes. En vérité, je m'entends au signe des intempéries, mais remarquez bien aussi cette parole, tout grand amour est encore bien au-dessus de toute la pitié qu'il pourrait avoir, car l'objet de son amour, il veut d'abord le créer. Moi-même, je m'offre à mon amour et j'offre mon prochain comme moi-même. Tels sont les propos de tous ceux qui créent. Mais tous ceux qui créent sont durs. Ainsi parlait Zarathoustra. Des prêtres. Et un jour Zarathoustra fit signe à ses disciples et leur dit ces mots. Voici des prêtres, et même s'ils sont mes ennemis, passez votre chemin l'épée au fourreau. Même parmi eux il y a des héros. Beaucoup d'entre eux ont trop souffert. Ainsi, ils veulent faire souffrir les autres. Ils sont des ennemis pleins de malignité. Rien n'a davantage soif de vengeance que leur humilité. Et celui qui les attaque se souille facilement. Mais mon sang est apparenté au leur. Et je veux de plus qu'on honore mon sang jusque dans le leur. Et lorsqu'ils furent passés, la douleur prit Zarathoustra. Et il n'avait pas lutté longtemps avec sa douleur qu'il se mit à parler ainsi. Ces prêtres me font de la peine. Ils vont aussi contre mon goût. Mais voilà bien la chose qui m'importe le moins depuis que je suis parmi les hommes. Mais je souffre et j'ai souffert avec eux. Ils sont, je trouve, des prisonniers. Ils sont marqués. Celui qu'ils nomment le sauveur les a jetés au fer de valeurs fausses et de mots illusoires. Ah, s'il se trouvait quelqu'un pour les sauver de leur sauveur. Ils crurent jadis accoster sur une île quand la mer les ballottait en tous sens. Mais voyez, c'était un monstre endormi. Les valeurs fausses et les paroles illusoires. Voilà les pires monstres pour les mortels. Le destin dort et attend longtemps en eux. Mais il vient enfin, et il s'éveille et mange et dévore tous ceux qui bâtissaient des cabanes sur lui. Regardez-les-moi, ces cabanes que les prêtres se sont édifiées. Ils appellent église leurs cavernes embaumées. Oh, cette lumière truquée, cet air épaissi. Ici où l'âme n'est pas en droit de s'envoler vers ses propres hauteurs. Mais voilà ce qu'ordonne leur foi. Montez l'escalier sur vos genoux. Pêcheur que vous êtes. En vérité, je préfère encore voir ceux qui n'ont pas de pudeur que les yeux révulsés de honte et de fervor dévote. Qui donc s'est fait de telles cavernes et de tels escaliers expiatoires? N'était-il pas de ceux qui voulaient se cacher et qui avaient honte face au ciel pur? Et ce n'est que lorsque le ciel pur, à nouveau, regarda à travers des voûtes effondrées l'herbe et le pavot rouge le long des murs brisés, c'est alors seulement que je tournerai à nouveau mon cœur vers les demeures de ce Dieu. Ils appelèrent Dieu ce qui les contrecarrait et leur faisait mal. Et en vérité, il y avait beaucoup d'héroïsme dans leur adoration. Ils ne surent pas aimer leur Dieu autrement qu'en clouant l'homme à la croix. Ils pensèrent vivre en cadavre et ils ont drapé de noir leurs cadavres. Et même dans leurs discours, je sens encore l'odeur nauséabonde des chambres mortuaires. Et qui vit près d'eux, vit près des temps noirs. Où le crapaud chante sa chanson douce et d'une profonde mélancolie. Il faudrait qu'il me chante des chansons meilleures pour que je croie en leur sauveur. Il faudrait pour cela que ses disciples aient davantage l'air délivrés. J'aimerais les voir tout nus, car seule la beauté devrait avoir le droit de prêcher la pénitence. Mais qui cette application en mitouflée peut-elle bien convaincre? En vérité, leurs sauveurs eux-mêmes ne sont pas issus de la liberté et du septième ciel de la liberté. En vérité, eux-mêmes n'ont jamais marché sur les tapis de la connaissance. L'esprit de ces sauveurs était fait de lacunes, mais au centre de chaque lacune, ils avaient mis leurs illusions, leurs pénitents de remplissage qu'ils appelaient Dieu. Leur esprit s'était noyé dans leur compassion, et quand ils enflaient en éclaté de compassion, ce qui surnageait toujours, c'était une grande folie. Avec zèle et force cris, ils faisaient passer leur troupeau par leur passerelle comme s'il n'y avait qu'une passerelle pour mener à l'avenir. En vérité, ces bergers eux-mêmes faisaient encore partie des moutons. Ces bergers avaient de petits esprits et des âmes vastes. Mais mes frères, quel pays exigu sont même les âmes les plus vastes? Ils ont jalonné de signes sanglants le chemin qu'ils suivaient, et leur folie leur enseignait que l'on prouve la vérité avec du sang. Mais le sang est le plus mauvais témoin de la vérité. Le sang empoisonne même la doctrine la plus pure du venin de la folie et de la haine des cœurs. Et quand il est quelqu'un prêt à se jeter au feu pour sa doctrine, qu'est-ce que cela prouve donc? En vérité, quand de l'incandescence propre surgit la doctrine propre, alors il y a quelque chose de plus, le cœur lourd et la tête froide. Là où ces deux choses se rencontrent, se déchaîne le vent nommé le Sauveur. Il en fut de plus grand en vérité, de naissance plus haute que ceux que le peuple surnomme Sauveur. Ces vents qui emportent tout avec eux. Et mes frères, il vous faudra être délivrés de ceux qui sont plus grands que ne le furent tous les Sauveurs, si vous voulez trouver le chemin de la liberté. Il n'a encore jamais existé de surhumain. J'ai vu nu l'homme le plus grand, et l'homme le plus petit. Ils sont par trop semblables encore. En vérité, même le plus grand, je le trouverai encore trop humain. Ainsi parlait Zarathoustra. Des vertueux. Il faut parler à coups de tonnerre et à coups de feu d'artifice céleste au sens avachi et endormi. Mais la voix de la beauté parle bas. Elle ne se faufile que dans les âmes les plus éveillées. Mon bouclier aujourd'hui a frémi et rit doucement. C'est le rire sacré et le frémissement sacré de la beauté. C'est de vous, Jean Vertueux, qu'a ri aujourd'hui ma beauté. Et sa voix est venue à moi et m'a dit, et en plus ils veulent encore être payés. Vous voulez encore être payés, vous, les gens vertueux. Vous voulez avoir un salaire pour votre vertu, le ciel en récompense de la terre et l'éternité pour votre aujourd'hui. Et maintenant vous êtes en colère contre moi parce que j'enseigne qu'il n'existe pas d'agent payeur comptable de récompense. Et en vérité, je n'enseigne même pas que la vertu est à elle-même sa propre récompense. C'est cela qui fait ma désolation. On a tissé le mensonge de la récompense et de la punition au fil même des choses, et jusque dans le fond même de vos âmes, vertueux que vous êtes. Mais pareil à la hure du sanglier, ma parole va déchirer le fond de vos âmes. Je veux être pour vous un soc de charrue. Tout ce qui reste secret au fond de vous doit venir au grand jour, et quand vous serez étendu au soleil, vidé, pantelant, votre mensonge et votre vérité alors se sépareront d'eux-mêmes. Car telle est votre vérité. Vous êtes trop propre pour la souillure des mots vengeance, punition, récompense, rétribution. Vous aimez votre vertu comme la mère son enfant. Mais a-t-on déjà entendu qu'une mère veuille être payée pour son amour? Votre vertu, c'est vous. C'est votre vous-même le plus cher. Il y a en vous la soif de l'anneau. C'est pour s'atteindre lui-même que tout anneau s'enroule et tourne. Toute œuvre de votre vertu est pareille à l'étoile qui s'éteint. Sa lumière fait encore route. Elle est encore en chemin. Et quand elle ne sera plus en route? Ainsi, la lumière de votre vertu est-elle encore en route, même lorsque l'œuvre a été accomplie? Qu'elle soit oubliée ou morte, son rayon fait de lumière vit encore et voyage. Que votre vertu soit votre vous-même, et non pas étrangère. Une peau, un revêtement, c'est la vérité qui vient du fond de votre âme, vous les gens vertueux. Mais à coup sûr, il en est pour qui la vertu est le sursaut sous les coups de fouet, et vous avez par trop écouté les cris qu'ils poussent. Il en est d'autres qui nomment vertu la paresse qui gagne leur vice, et quand leur haine et leur jalousie rendent les armes, alors leur justice devient guillerette et frotte ses yeux endormis. Il en est d'autres qui sont tirés vers le bas. Ce sont leurs diables qui les tirent. mais plus ils s'enfoncent, plus leurs yeux brillent et plus ils brûlent du désir de leur Dieu. Hélas, même les cris poussés par ceux-ci sont parvenus jusqu'à vos oreilles, gens vertueux. Ce que je ne suis pas, c'est ce que j'appelle et Dieu et vertu. Et il en est d'autres qui arrivent lourdement avec de grands craquements, pareils à des fardiers qui descendent chargés de pierres. Ils parlent beaucoup de dignité et de vertu. Leur sabot de frein, ils le nomment vertu. Il en est d'autres, pareils à des réveils matins qu'on démonte, qui font leur tic-tac et veulent qu'on appelle vertus tic-tac. En vérité, cela me donne bien du plaisir. Partout où je trouverai de pareilles horloges, je les remonterai par ma moquerie, et je compte bien qu'elles en ronronneront de plaisir, de surcroît. Il en est d'autres qui sont fiers de ce peu de justice dont ils ont plein la bouche, et au nom de laquelle ils blasphèment toute chose, de sorte que le monde se noie dans leur injustice. Ah, de quelle répugnante façon le mot vertu leur coule de la bouche. Et disent-ils, je suis juste, on croit toujours entendre, je me suis fait justice. Avec leur vertu, ils veulent arracher les yeux à leurs ennemis, et ils ne s'élèvent que pour abaisser les autres. Il en est d'autres encore, assis dans leur marécage et dont on entend la voix sortir d'entre les roseaux et dire « La vertu, c'est se tenir tranquille dans son marécage. Nous ne mordons personne et nous nous écartons de la route de celui qui veut mordre, et en toute chose, nous avons la vie que l'on nous donne. » Et il en est d'autres encore qui aiment les attitudes et croient que la vertu est une sorte d'attitude. Leurs genoux ne cessent de se fléchir pour adorer et leurs mains se joignent à la louange de la vertu. Mais leur cœur n'en sait rien. Il en est d'autres encore qui croient vertueux de dire « la vertu est nécessaire », mais au fond la seule chose à laquelle ils croient c'est à la nécessité de la police. Et certains qui ne peuvent voir ce qu'il y a d'élevé en l'homme appellent vertu le fait de voir de trop près ce qu'il y a de bas en lui. Ainsi appellent-ils vertu leur regard malveillant. Et il en est qui veulent être édifiés et redressés et ils nomment cela vertu. Et il en est d'autres qui veulent qu'on les renverse et ils appellent aussi cela vertu. De telle sorte que presque tous croient participer à la vertu. Tout au moins chacun veut-il être un connaisseur pour ce qui relève du bien et du mal. Mais Zarathoustra n'est pas venu pour dire à tous ces menteurs et à tous ces bouffons « Que savez-vous de la vertu ? Que pourriez-vous en savoir ?» Mais pour que vous vous fatiguiez des vieux mots que vous ont appris des bouffons et des menteurs. Pour que vous vous fatiguiez des mots récompense, rétribution, punition, vengeance en toute justice. Pour que vous vous fatiguiez de dire « Ce qui fait qu'une action est bonne, c'est qu'elle est désintéressée. » Ah, mes amis, que votre moi tout entier soit dans l'action comme la mère est dans l'enfant. Cela doit être, à mon sens, votre mot de la vertu. En vérité, je vous ai bien pris 100 mots et les jouets les plus chers à votre vertu. Et maintenant, vous êtes fâchés contre moi comme sont fâchés des enfants. Ils jouaient au bord de la mer. Vint une vague qui leur arracha leurs jouets et l'emporta dans l'abîme. Les voici maintenant qui pleurent. Mais cette même vague leur apportera de nouveaux jouets et répandra devant eux de nouveaux coquillages multicolores. Ainsi, ils seront consolés, et pareil à eux, mes amis, vous allez aussi avoir vos consolations et de nouveaux coquillages multicolores. Ainsi parlait Zarathoustra. De la canaille. La vie est une source vive de plaisir, mais là où la canaille boit aussi, tous les puits sont empoisonnés. Je suis ami de tout ce qui est pur, mais je n'aime pas voir les gueules ricanantes et la soif des impurs. Ils ont jeté leur regard jusqu'au fond du puits, et maintenant leur ignoble sourire remonte vers moi. Ils ont empoisonné l'eau sacrée de leur lubricité, et lorsqu'ils baptisèrent du nom de plaisir leurs rêves malpropres, ils ont même empoisonné les mots. La flamme se fait rétive lorsqu'ils approchent leur cœur humide du feu. L'esprit lui-même bouillonne et fume partout où la canaille s'approche du feu. Dans la main de la canaille, les fruits deviennent blé et douceâtres. Leur regard dépouille la cime des arbres fruitiers et rend leurs branches cassantes. Et plus d'un qui s'est détourné de la vie s'est seulement détourné de la canaille. Il ne voulait pas partager le puits, la flamme et le fruit avec la canaille. Et plus d'un qui est allé au désert et a souffert de la soif avec les bêtes de proie, simplement ne voulait pas être assis autour de la citerne avec des chameliers malpropres. Et plus d'un, venu comme un destructeur et comme un orage de grêle qui dévaste tous les champs, ne voulait que fourrer son pied dans le gosier de la canaille pour lui boucher la gorge. Et le morceau qui me fut le plus dur à avaler ne fut pas de savoir que la vie elle-même a besoin d'inimitié, de mort et des croix des martyrs. Mais je demandais un jour, et ma question m'étouffa presque, comment la vie a-t-elle aussi besoin de la canaille? Faut-il des puits empoisonnés et des feux nauséabonds et des rêves souillés et des asticots dans le pain de vie? Ce n'est pas ma haine, mais c'est mon dégoût qui a rongé avec avidité ma vie. Hélas, souvent je me suis fatigué de l'esprit lorsque je trouvais aussi la canaille spirituelle. Et j'ai tourné le dos au maître de l'heure lorsque je vis ce qu'ils appellent maintenant gouverner, trafiquer et marchander le pouvoir avec la canaille. J'ai habité parmi les peuples de langue étrangère, les oreilles bouchées, pour que je n'entende pas la langue de leur marchandage et de leur trafic pour le pouvoir. Me bouchant le nez, je passais de mauvais gré à travers tout ce qui est d'hier et d'aujourd'hui. En vérité, tout ce qui est d'hier et d'aujourd'hui sent la mauvaise odeur de la canaille qui écrit. J'ai vécu longtemps, tel un infirme devenu sourd, aveugle et muet. J'ai vécu longtemps ainsi pour ne pas vivre avec la canaille au pouvoir, la canaille qui écrit et la canaille de la débauche. À grand-peine, mon esprit a gravi les escaliers, il les a gravis avec prudence. Son réconfort, ce furent les aumônes du plaisir. Au rythme de son bâton, la vie a défilé devant l'aveugle. Pourtant, que m'est-il arrivé? Comment me suis-je délivré du dégoût? Qui a rajeuni mon regard? Comment ai-je pu voler jusqu'aux hauteurs où la canaille ne se tient plus auprès des puits? Mon dégoût m'a-t-il lui-même donné des ailes et des forces qui me rapprochent des sources? En vérité, il a fallu que je m'envole aux hauteurs les plus extrêmes pour retrouver la source de la joie. Oh, je l'ai trouvé, mes frères. C'est ici, au plus haut, que coule pour moi la source de la joie. Et il existe une vie où l'on peut boire sans la canaille. Tu coules presque trop fort, source de joie. Souvent, tu vides la coupe en voulant la remplir. Et il me faut encore apprendre à m'approcher de toi avec plus de modestie. Mon cœur va au-devant de toi avec trop d'impétuosité. Mon cœur où brûle mon été bref, brûlant, mélancolique et ivre de bonheur. Oh, combien mon cœur d'été désire ta fraîcheur. C'en est fini de l'affliction hésitante de mon printemps. C'en est fini de la malignité de mes flocons de neige en juin. Je suis tout entier devenu été et midi de l'été. Un été au plus haut, avec des sources froides et un silence bienheureux. Oh, venez mes amis, pour que la béatitude du silence soit plus grande encore. Car ceci est notre hauteur et notre pays, notre demeure. Nous habitons trop haut, au-dessus de pentes bien trop abruptes pour tous les impurs et leur soif. N'hésitez pas, mes amis. Jetez vos regards dans le puits de ma joie. Comment s'en trouverait-il? Il doit au contraire vous renvoyer le rire de sa pureté. Nous bâtissons notre nid sur l'arbre nommé Avenir. Les aigles dans leur bec nous apportent de la nourriture, à nous, solitaires. En vérité, ce n'est pas une nourriture dont pourraient aussi manger les malpropres. Ils croiraient bouffer du feu et se brûleraient la gueule. En vérité, nous ne tenons pas de demeure prête pour les malpropres. Pour leurs corps et leurs esprits, notre bonheur serait une caverne de glace. Et nous voulons vivre au-dessus d'eux comme des vents forts, voisins des aigles, voisins de la neige, voisins du soleil. C'est ainsi que vivent les grands vents. Et je veux un jour, pareil au vent, souffler parmi eux, et par mon esprit couper le souffle à leur esprit. C'est ainsi que le veut mon avenir. En vérité, Zarathoustra est un grand vent pour tous les bas-fonds, et il conseille à ses ennemis et à tous ceux qui crachent et crachotent, gardez-vous de cracher contre le vent. Ainsi parlait Zarathoustra. Des tarentules. Regarde. Voici la tanière de la tarentule. Veux-tu la voir elle-même? Voici sa toile. Touche-la, elle frémira. La voici qui s'empresse. Sois la bienvenue, tarentule. Sur ton dos est inscrit en noir ton triangle, ton emblème. Et je sais aussi ce qui habite ton cœur. La vengeance habite ton cœur. Tout ce que tu mords se recouvre d'une croûte noirâtre. Le poison de ta vengeance fait tournoyer l'âme. Je vous parle donc par paraboles qui vous feront tournoyer l'âme, prédicateur de l'égalité que vous êtes. Vous n'êtes que des tarentules et en secret vous êtes assoiffés de vengeance. Mais je veux révéler vos cachettes au grand jour. C'est pourquoi je vous ris à la figure de tout mon rire venu des hauteurs. C'est pourquoi je tire sur votre toile pour que votre rage vous fasse sortir de votre tanière de mensonges et que votre vengeance jaillisse derrière votre mot « justice ». Car que l'homme soit délivré de la vengeance, voilà, à mon sens, le pont vers la plus haute espérance et un arc-en-ciel après de longues intempéries. Mais certes, les tarentules veulent qu'il en soit autrement. Que le monde soit submergé par les intempéries de notre vengeance, voilà justement ce que nous nommons justice. C'est ainsi que les tarentules parlent entre elles. Nous voulons exercer notre vengeance sur tous ceux qui ne sont pas semblables à nous et les couvrir de nos injures. Voilà ce que se promettent en leur fort intérieur les cœurs des tarentules. Et volonté d'égalité, tel devra désormais être le nom de la vertu. Et nous voulons élever nos criailleries contre tout ce qui a le pouvoir. Vous, prédicateurs de l'égalité, la folie tyrannique de l'impuissance réclame à corps et à cri chez vous l'égalité. Vos plus secrètes convoitises de tyrannie s'en mitouflent donc de paroles de vertu. L'infatuation hargneuse, la jalousie contenue peuvent être la fatuité et la jalousie de vos pères. Tout cela éclate et flamboie en vous dans la folie de la vengeance. Ce que le père a tué s'exprime dans les paroles du fils. Et souvent, j'ai vu les fils être le secret dévoilé du père. Ils sont pareils aux enthousiastes. Mais ce n'est pas le cœur qui les enthousiasme, mais la vengeance. Et quand ils deviennent fins et froids, ce n'est pas l'esprit, mais l'envie qui les rend fins et froids. Leur jalousie les conduit aussi sur les sentiers des penseurs. Et c'est la marque de leur jalousie. Ils vont toujours trop loin. Si loin qu'en fin de compte, leur fatigue les fait s'endormir sur la neige. Chacune de leurs plaintes rend un son de vengeance. Dans chacune de leurs louanges, il y a l'intention de faire le mal, et être juge leur semble une félicité. Je vous donne donc ce conseil, mes amis. Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant. C'est une mauvaise engeance et de mauvaise ascendance. Dans leur visage, on voit parler le bourreau et le chien policier. Méfiez-vous de tous ceux qui parlent beaucoup de leur justice. En vérité, ce n'est pas seulement de miel que manque leur âme. Et s'ils s'appellent eux-mêmes les bons et les justes, n'oubliez pas que pour être des pharisiens, il ne leur manque qu'une seule chose, le pouvoir. Mes amis, je ne veux point être mêlé ni confondu avec d'autres. Il en est qui prêchent ma doctrine de la vie, et en même temps, ils sont des prêcheurs d'égalité et des tarentules. Ces araignées venimeuses, elles disent du bien de la vie, tout en restant tapis dans leur tanière à l'écart de la vie. C'est parce qu'ainsi, elles peuvent faire mal. Elles veulent ainsi faire mal à ceux qui détiennent à présent le pouvoir, car c'est chez ces derniers que la prédication de la mort est le mieux installée. S'il en était autrement, les tarentules répandraient un enseignement autre, et c'est elles, justement, qui excellèrent jadis à dénigrer le monde et à brûler les hérétiques. Je ne veux pas que l'on me mêle à ces prêcheurs de l'égalité et que l'on me confonde avec eux, car c'est ainsi que la justice me parle à moi. Les hommes ne sont pas égaux, et il ne faut pas non plus qu'ils le deviennent. Qu'en serait-il de mon amour du surhumain si je tenais un autre langage? Qu'il se précipite vers l'avenir par mille et mille ponts et passerelles et que l'on mette toujours plus de guerre et d'inégalité entre eux, voilà comment me fait parler mon grand amour. Qu'ils deviennent des inventeurs d'images et de fantômes dans leurs inimitiés et qu'ils se battent au sein du combat suprême à coups d'images et de fantômes. Bien et mal, riche et pauvre, haut et de peu de prix, tous les noms des valeurs, autant d'armes et d'emblèmes cliquetants, montrant que la vie ne doit pas cesser de se surmonter elle-même. Elle veut être sa propre ascension, la vie, à force de piliers et de marches. Elle veut regarder vers des horizons lointains et découvrir des beautés bienheureuses. C'est pourquoi il lui faut de la hauteur. Et parce qu'elle a besoin de hauteur, il lui faut des marches et la résistance qu'opposent les degrés à ceux qui les gravissent. La vie veut s'élever et se surmonter elle-même en s'élevant. Et regardez, mes amis, ici où se trouve la tanière de la tarentule se dressent les ruines d'un ancien temple. Regardez-les, ses yeux illuminés. En vérité, celui qui, un jour, ici, a de pierre, empilé sa pensée et l'a fait s'élever, il en savait autant du secret de la vie que le plus sage. Que le combat et que les choses inégales existent aussi dans la beauté et la lutte pour la puissance et pour la suprématie, c'est ce qu'il nous enseigne ici, dans la plus claire des paraboles. De quelle divine façon se brisent ici les arcs et les voûtes dans leur lutte? Comme ils font assaut de lumière et d'ombre dans leurs efforts divins. Ainsi, de la même façon sûre et belle, soyons ennemis, mes amis, et lançons-nous divinement les uns contre les autres. Ô douleur, voici que m'a mordu la tarentule, ma vieille ennemie. Elle m'a mordu au doigt avec une assurance et une beauté quasi divine. Il faut qu'il y ait punition et justice, pense-t-elle. Il ne chantera pas ici pour rien ses chansons en l'honneur de l'inimitié. Oui, elle s'est vengée, et malheur, voilà qu'elle va de surcroît faire tournoyer mon âme de désir de vengeance. Mais pour que je ne tourne pas, mes amis, liez-moi solidement à cette colonne. Je préfère encore être un saint à la colonne plutôt qu'un tourbillon de rancune. En vérité, Zarathoustra n'est qu'un tourbillon, qu'une trombe. Et s'il est un danseur, il n'est pas à coup sûr un danseur de tarentelle. Ainsi parlait Zarathoustra. Des sages illustres. Vous, tous les sages illustres, vous avez été les serviteurs du peuple et de la superstition du peuple, et non les serviteurs de la vérité. Et c'est précisément pourquoi on vous payait le tribut du respect. Et c'est pourquoi aussi l'on a supporté votre incrédulité, parce qu'elle était une plaisanterie et un détour ramenant au peuple. C'est ainsi que le maître laisse faire ses esclaves et qu'il s'égaie même de leur exubérance. Mais celui qui est haï du peuple comme un loup l'est des chiens, c'est l'esprit libre, l'ennemi des liens, celui qui ne vénère pas, celui qui habite les forêts. Le chasser de son refuge, cela a toujours paru au peuple être le sens de ce qui est juste, et il ne cesse d'exciter contre lui ses chiens aux dents les plus acérées. Car la vérité est là, puisque le peuple est là. Malheur, malheur à celui qui cherche, c'est ce que l'on a pu entendre clamer depuis toujours. Vous vouliez, sage illustre, justifier pour votre peuple l'objet de sa vénération. C'est ce que vous appeliez volonté de vérité. Et votre cœur n'a cessé de dire « Je suis venu du peuple, et c'est du peuple aussi que m'est venue la voix de Dieu. » La nuque roide, endurant et malin, pareil à l'âne, vous avez toujours été les avocats du peuple. Et main puissant qui voulait rester en bon terme avec le peuple et faire route avec lui, attela devant ses chevaux, de surcroît un ânon, un sage illustre. Et maintenant je voudrais, sage illustre, que vous rejetiez enfin loin de vous le pelage du lion, le pelage tacheté et l'étouffe de poils du fauve qui cherche, explore, conquiert. Ah, pour que je puisse croire en votre véracité, il faudrait d'abord que vous brisiez votre volonté de vénération. J'appelle véridique celui qui s'en va dans les déserts où Dieu est absent et qui a brisé son cœur vénérateur. Dans le sable jaune, brûlé par le soleil, il louche, assoiffé, vers les îles aux sources abondantes où des êtres vivants se reposent sous des arbres sombres. Mais sa soif ne parvient pas à le convaincre de devenir comme c'est satisfait par le bien-être, car là où il y a des oasis, il y a aussi des idoles. Affamé, violent, solitaire, sans Dieu, c'est ainsi que se veut la volonté du lion. Délivré du bonheur des valets, délivré des dieux et des adorations, sans crainte et terrible, grande et solitaire, telle est la volonté de celui qui est véridique. Depuis toujours, les véridiques, les esprits libres, ont habité le désert, maître du désert. Mais dans les villes habitent les sages illustres, bien nourris, les animaux de trait. En effet, ils ne cessent de tirer en âne la carriole du peuple. Non pas que je leur en veuille pour cela, mais à mon gré ils restent des domestiques, des attelés, même s'ils brillent de harnais dorés. Et souvent ils furent de bons serviteurs, dignes de louanges, car la vertu parle en ces termes. Si tu dois être serviteur, alors recherche celui qui à tes services seront le plus utiles. L'esprit et la vertu de ton maître doivent croître de ce que tu es son serviteur. Ainsi tu grandis toi-même avec son esprit et sa vertu. Et en vérité, sages illustres, serviteurs du peuple, vous-même, vous avez grandi avec l'esprit et les vertus du peuple, et le peuple à travers vous. Et je dis cela à votre honneur. Mais le peuple, vous le restez, encore dans vos vertus, peuple aux yeux stupides, peuple qui ne sait pas ce qu'est l'esprit. L'esprit est la vie qui taille elle-même au vif de la vie. Son propre savoir s'accroît de sa propre souffrance. Le saviez-vous, cela? Et le bonheur de l'esprit, c'est ceci, être oint et consacré à force de larmes, comme bête désignée pour le sacrifice. Le saviez-vous, cela? Et la cécité de l'aveugle et sa recherche et son tâtonnement, eux-mêmes, porteront témoignage de la puissance du soleil qu'il regardait jadis. Le saviez-vous, cela? Et que celui qui accède à la connaissance apprenne à bâtir avec des montagnes, c'est bien peu de choses que l'esprit déplace des montagnes. Le saviez-vous, cela? Vous ne connaissez que les étincelles de l'esprit, mais vous ne voyez pas l'enclume qu'il est, ni la cruauté de son marteau. En vérité, vous ne connaissez pas la fierté de l'esprit. Mais vous supporteriez moins encore la modestie de l'esprit si un jour elle voulait se mettre à parler. Et jamais Vous ne seriez en droit de jeter votre esprit dans une fosse pleine de neige. Vous n'êtes pas assez brûlant pour cela. Aussi ne connaissez-vous pas les délices de sa froideur. En toute chose, vous faites à mon gré trop les familiers de l'esprit et de la sagesse. Vous en avez souvent fait un asile et un hôpital pour mauvais poètes. Vous n'êtes pas des aigles. Aussi n'avez-vous pas appris le bonheur dans les froids de l'esprit. Et celui qui n'est point un oiseau ne doit point s'établir au-dessus des abîmes. Vous êtes des tièdes, mais le flot de toute connaissance profonde est glacé. Les sources les plus profondes de l'esprit sont froides, comme la glace. Elles délassent les mains chaudes de ceux qui agissent. Vous vous tenez là, honorable, raide et le dos droit, sages illustres. Aucun grand vent, aucune grande volonté ne vous pousse. N'avez-vous jamais vu passer les voiles sur la mer, gonflées, arrondies, tremblantes sous la violence du vent impétueux? Pareil à la voile tremblante sous le vent impétueux, ma sagesse passe sur la mer, ma sagesse sauvage. Mais vous, serviteurs du peuple, sages illustres, comment pourriez-vous aller avec moi? Ainsi parlait Zarathoustra. Le chant nocturne. Il fait nuit. À cette heure, toutes les fontaines jaillissantes parlent plus haut. Et mon âme aussi est une fontaine jaillissante. Il fait nuit. C'est à cette heure seulement que s'éveillent tous les chants de ceux qui aiment. Et mon âme aussi est un chant d'un être qui aime. Il y a quelque chose en moi d'assoiffé que rien ne peut apaiser. Cela veut élever la voix. Il y a en moi un désir avide d'amour. Il parle lui-même le langage de l'amour. Je suis lumière. Ah, si je pouvais être nuit. Mais ma solitude, c'est d'être saint de lumière. Ah, que ne suis-je sombre et nocturne? Oh, comme je me désaltérerais au sein de la lumière. Et vous, petites étoiles scintillantes et petits vers luisants là-haut, comme je vous bénirais, comme je me réjouirais de vos présents de lumière. Mais je vis dans ma propre lumière. Je bois les flammes qui jaillissent de moi. Je ne connais point le bonheur de ceux qui reçoivent. Et souvent je rêvais que la félicité de voler était plus grande encore que celle de recevoir. C'est là ma pauvreté. Jamais ma main ne se repose de prodiguer. C'est là ma jalousie, de voir des yeux qui attendent et les nuits illuminées du désir. Au malheur de tous ceux qui donnent à profusion, au obscurcissement de mon soleil, ô avidité, avide d'avidité, ô faim inextinguible au cœur de la satiété. Ils prennent ce que je leur donne, mais touchais-je encore leur âme? Il y a un abîme entre donner et recevoir, et c'est l'abîme le plus petit qu'on ne peut recouvrir qu'en dernier. Une fin croît de ma beauté. J'aimerais faire mal à ceux que j'éclaire. J'aimerais piller ceux à qui j'ai prodigué des cadeaux. C'est ainsi que j'ai faim de méchanceté, retirant la main quand déjà la main se tend vers elle, hésitant comme la cascade qui hésite encore dans sa chute. Ainsi j'ai faim de méchanceté. Voilà la vengeance que s'imagine ma profusion. Voilà la perfidie qui sourd de ma solitude. Mon bonheur de donner s'est éteint en donnant. Ma vertu elle-même s'est fatiguée de sa surabondance. Celui qui donne court toujours le danger de perdre la pudeur. À force de donner, le cœur et la main finissent par se couvrir de callosité. Mes yeux ne débordent plus de larmes sur la honte de ceux qui mendient. Ma main s'est faite trop dure pour le tremblement des mains pleines. Où s'en sont allées les larmes de mes yeux et le duvet de mon cœur? Ô solitude de tous ceux qui prodiguent, ô mutisme de ceux qui éclairent, beaucoup de soleils tracent leur cercle dans l'espace désolé. Ils parlent à tout ce qui est sombre par leur lumière. Pour moi, ils se taisent. Ô, ceci est l'inimitié de la lumière pour ceux qui éclairent, impitoyable. Elle va sa route, plein d'hostilité au fond du cœur contre tout ce qui éclaire, glacé pour d'autres soleils, ainsi gravitent tous les soleils. Pareil à une tempête, les soleils tracent leurs orbites. C'est là leur route. Ils suivent leur volonté inexorable. C'est là leur froideur. Oh, c'est vous seulement, être sombre, être nocturne, qui créez la chaleur de ce qui éclaire. Oh, ce n'est que vous qui buvez le lait et le réconfort aux mamelles de la lumière. Ah, la glace vous entoure. Ma main se brûle à ce qui est glacé. Ah, la soif est en moi, assoiffée de votre soif. Il fait nuit, hélas. Pourquoi me faut-il être lumière, et soif de ce qui est nocturne, et solitude? Il fait nuit. Or voici que mon désir impétueux jaillit de moi, impérieux, tel une source, mon désir impérieux de parler. Il fait nuit. Voici que les jets de toutes les fontaines parlent plus fort. Et mon âme aussi est une fontaine jaillissante. Il fait nuit. Voici que s'éveillent les chants de tous ceux qui aiment. Et mon âme aussi est le chant d'un être qui aime. Ainsi chantait Zarathoustra. Le chant de la danse. Un soir, Zarathoustra passait avec ses disciples à travers la forêt et cherchant une fontaine, voici qu'il arriva à une verte prairie qu'entouraient des arbres et des buissons silencieux. Des jeunes filles y dansaient entre elles. Aussitôt que les jeunes filles reconnurent Zarathoustra, elles cessèrent de danser. Mais Zarathoustra s'approcha d'elles dans une attitude amicale et dit les mots que voici. « Ne cessez point vos danses, charmantes jeunes filles. Ce n'est pas un trouble fait avec un regard mauvais qui est venu. Ce n'est pas un ennemi des jeunes filles. Je suis l'avocat de Dieu auprès du diable. Or celui-ci est l'esprit de pesanteur. Comment pourrais-je être de légèreté, être ennemi de danse divine, ou ennemi de pieds de jeunes filles aux chevilles gracieuses? Certes, je suis forêt et ténèbres d'arbres obscurs. Pourtant, qui ne craint point ma nuit trouvera aussi des roseraies sous mes cyprès. Et il trouvera aussi le petit dieu, le préféré des jeunes filles. Il est couché à côté de la fontaine en silence, les yeux fermés. En vérité, il s'est endormi en plein jour, le fainéant. A-t-il trop poursuivi les papillons? Ne vous irritez pas contre moi, belle danseuse, si je corrige un peu le petit dieu. Il va crier et pleurer, mais il prête à rire, même quand il pleure. Et les larmes aux yeux, il va vous demander de lui accorder une danse. Et moi-même, je veux accompagner sa danse d'une chanson. Une chanson à danser qui raille l'esprit de pesanteur. Mon diable très haut et très puissant dont ils disent qu'il est le maître du monde. Et voici la chanson que chanta Zarathoustra lorsque Cupidon et les jeunes filles dansèrent ensemble. Naguère, j'ai plongé mon regard dans tes yeux, ô vie, et il me sembla sombrer alors dans l'insondable. Mais tu m'en retiras à l'aide de ta canne à pêche dorée et tu eus un rire moqueur lorsque je te nommais insondable. C'est ainsi que parlent tous les poissons, as-tu dit. Ce qu'ils ne parviennent pas à sonder est insondable. Mais je ne suis que changeante et sauvage, et femme en toutes choses, mais sans vertu. Bien que pour vous, les hommes, je sois la profonde ou la fidèle, l'éternelle ou la mystérieuse. Pourtant, vous, les hommes, vous ne cesserez de nous gratifier de vos propres vertus, ô vertueux que vous êtes. Ainsi riait-elle, l'incroyable. Mais je ne la crois jamais, et je ne crois pas son rire quand elle dit du mal d'elle-même. Et comme je parlais, entre quatre yeux, avec ma sagesse sauvage, elle me dit, pleine de colère, « Tu veux, tu désires, tu aimes, c'est uniquement pourquoi tu loues la vie. » J'étais sur le point de lui répondre vertement et de lui dire ses vérités à elle qui était en colère. Et l'on ne peut répondre plus vertement qu'en disant la vérité à sa sagesse. C'est ainsi que les choses se passent entre nous trois. Fondamentalement, je n'aime que la vie, et en vérité, surtout quand je la hais. Mais que je sois bon avec la sagesse et souvent trop bon, cela vient de ce qu'elle me rappelle tant la vie. Elle a son regard, son rire et même sa petite canne à pêche dorée. Qui puis-je si elles se ressemblent tant toutes deux? Et lorsqu'un jour la vie me demanda « Qui est donc la sagesse ?» j'ai répondu avec empressement « Eh oui, la sagesse, on a soif d'elle et on ne se rassasie point. On regarde à travers des voiles et on tente de l'attraper à l'aide de filets. Est-elle belle? Est-ce que je sais? Mais elle a pâte encore les carpes les plus vieilles. Souvent je l'ai vue se mordre les lèvres et se peigner à rebrousse-poil. Peut-être est-elle méchante et perfide en toutes choses, une vraie femme. Mais c'est quand elle dit le plus de mal d'elle-même qu'elle est le plus séduisante. Comme je dis ceci à la vie, elle eut un rire méchant et ferma les yeux. « De qui parles-tu donc ? » dit-elle. « De moi, n'est-ce pas ? Et même si tu avais raison, me dit-on cela, ainsi, en face. Et maintenant, vas-y, parle donc aussi de ta sagesse. Ah, et voici que tu rouvrais les yeux aux vies bien-aimées. » Et il me sembla de nouveau sombrer dans l'insondable. Ainsi chantait Zarathoustra. Mais quand la danse eut pris fin et que les jeunes filles se fussent allées, il devint triste. « Le soleil s'est couché depuis longtemps, dit-il enfin. » Les prés sont humides et un air frais vient des forêts. Quelque chose d'inconnu m'entoure qui regarde pensivement. Quoi? Tu es encore en vie, Zarathoustra? Mais pourquoi? À quelle fin? Par quoi? Vers où? Comment? N'est-ce pas folie que de vivre encore? Ah, mes amis, c'est le soir dont les questions sont ainsi issues de ma bouche. Pardonnez ma tristesse. Le soir est venu. Pardonnez-moi que le soir soit venu. Ainsi parlait Zarathoustra. Le chant du tombeau. Voici là-bas l'île au tombeau, la silencieuse. Là sont aussi les tombeaux de ma jeunesse. je veux y porter une couronne de vie toujours verte. Prenant cette résolution dans mon cœur, je traversais la mer. Ô vous, vision et apparition de ma jeunesse, ô vous tous, les regards d'amour, instant divin, comme vous êtes morts rapidement, je pense à vous aujourd'hui comme à mes défunts. De vous, morts qui m'êtes les plus chers, me vient un doux parfum, parfum qui fait fondre le cœur et fait couler les larmes. En vérité, il ébranle et attendrit le cœur du navigateur solitaire. Je suis encore le plus riche et le plus enviable, moi le plus solitaire, car je vous avais et vous m'avez encore. Dites-moi pour qui, comme pour moi, de telles pommes rouges sont-elles tombées de l'arbre? Je suis encore l'héritier et le royaume terrestre de votre amour, fleurissant en mémoire de vous de vertus multicolores à la croissance foisonnante, ô vous les plus aimés. Oui, nous étions faits pour rester proches les uns des autres, ô vous merveilles inconnues et douces. Vous êtes venus à moi, à mon désir avide, non comme des oiseaux timides, mais confiants vers qui faisait confiance. Oui, fait pour la fidélité comme moi, et pour une tendre éternité. Dois-je à présent vous donner le nom qui convient à votre infidélité, ô vous, regard, ô vous, instant divin? Je n'ai pas encore appris à vous donner d'autres noms. En vérité, vous êtes mort trop tôt, fugitif. Pourtant, vous ne m'avez pas fui, et moi je ne vous ai pas fui non plus. Nous sommes innocents, les uns et les autres, au sein de notre infidélité. C'est pour me tuer, moi, que l'on vous a étranglé, oiseau chanteur de mes espérances. Oui, la méchanceté a toujours tiré des flèches vers vous, mes bien-aimés, pour atteindre mon cœur. Et elle le toucha. N'avez-vous pas toujours été ce que j'avais de plus cher, ce que je possédais, ce qui me possédait? C'est pourquoi il vous fallut mourir jeune et par trop tôt. On tira des flèches vers ce que je possédais de plus vulnérable. C'était vous dont la peau était pareille à un duvet, pareille au sourire qui meurt d'un regard. Mais je veux dire le mot que voici à mes ennemis. Que peuvent bien être tous les meurtres auprès de ce que vous m'avez fait? Vous m'avez fait un mal plus grand que ne l'est tout meurtre d'un homme. Vous m'avez pris ce que rien ne saurait me rendre. C'est ce que je veux vous dire, mes ennemis. N'avez-vous pas assassiné les visions de ma jeunesse et ses merveilles les plus chères? Vous m'avez pris mes compagnons de jeu, les esprits bienheureux. Je dépose à leur mémoire cette couronne et cette malédiction. Cette malédiction contre vous, mes ennemis. N'avez-vous pas rendu brève mon éternité, comme un son s'évanouit dans la nuit froide? Je l'ai vu étinceler, le temps d'un clin d'œil divin, le temps d'un clin d'œil. Ainsi parlait un jour ma pureté, alors favorable. Que tous les êtres soient divins pour moi, alors vous m'avez assailli de fantômes malpropres. Hélas, où s'est donc enfui cette heure favorable? Que tous les jours soient sacrés pour moi, voilà ce que dit un jour la sagesse de ma jeunesse. En vérité, c'était le discours d'une sagesse joyeuse. Mais alors vous, mes ennemis, vous m'avez volé mes nuits, et vous les avez vendues au tourment et à l'insomnie. Où s'est donc enfui cette joyeuse sagesse? Jadis, je désirais des oiseaux, d'heureux présages. Alors vous avez fait passer sur mon chemin un hibou monstrueux, ignoble. Hélas, où s'est donc enfui ma tendre avidité? Je promis jadis de renoncer à tout dégoût. Alors vous avez changé mes prochains et mes proches en cloques de pu. Où a donc fui mon vœu le plus noble? Jadis, je suivais en aveugle des routes bienheureuses. Alors vous avez jeté des ordures sur la route de l'aveugle, et voici que le vieux chemin d'aveugle lui répugne. Et lorsque je fis ce qu'il y avait pour moi de plus difficile et que je fêtais les victoires que j'avais remportées sur moi-même, alors vous fîtes en sorte que ceux qui m'aimaient s'écrient que je leur faisais le plus mal. En vérité, vous avez toujours agi ainsi. Vous avez gâté mon miel le meilleur et gâché le travail de mes abeilles les meilleures. Vous avez toujours renvoyé à ma bienséance les mendiants les plus insolents. Autour de ma pitié, vous avez toujours fait se presser les impudents incorrigibles. Ainsi, vous avez blessé mes vertus dans leur foi. Et quand j'offrais ce que j'avais de plus sacré en holocauste, aussitôt votre piété y ajoutait à la hâte ses offrandes les plus grasses, de sorte que ce que j'avais de plus sacré fut étouffé sous les relents de votre graisse. Et un jour, je voulus danser, comme jamais je n'avais dansé. Je voulais franchir tous les cieux en dansant, alors vous avez circonvenu mon chanteur préféré. Et le voici qui entonne un air lugubre et sourd. Hélas, il a corné à mes oreilles comme quelque cor sinistre. Chanteur meurtrier, instrument de la méchanceté, toi le plus innocent. Déjà j'étais prêt pour la meilleure des danses, alors tu assassinas de tes sons mon extase. Je ne sais dire les symboles des choses les plus hautes qu'au moyen de la danse, et voici que mon symbole suprême est resté inexprimé dans mes membres. Mon espoir suprême est resté inexprimé, emprisonné, et toutes les visions et les consolations de ma jeunesse sont mortes. Comment le supporterai-je ? Comment ai-je enduré et surmonté de telles blessures ? Comment mon âme a-t-elle pu ressusciter de tels tombeaux ? Oui, il y a en moi quelque chose d'invulnérable, que rien ne saurait recouvrir, quelque chose qui fait éclater les rochers. Cela a pour nom ma volonté, quelque chose qui marche en silence et immuable à travers les années. Elle veut aller à son pas, sur mes jambes, à moi, ma vieille volonté. Son esprit est dur de cœur et invulnérable. Je ne suis invulnérable qu'au talon. Et toi, tu vis toujours et restes pareil à toi-même, ô toi, la très patiente. Toujours, tu as su réussir à te frayer un chemin à travers tous les tombeaux. En toi vit encore ce qu'il y a de non délivré dans ma jeunesse. Et toute vie et toute jeunesse, tu es assise, pleine d'espoir, sur les décombres jaunes des tombeaux. Oui, tu es encore pour moi la démolisseuse de tous les tombeaux. Salut à toi, ma volonté. Il n'y a de résurrection que là où il y a des tombeaux. Ainsi chantait Zarathoustra. Du surpassement de soi. Vous appelez volonté de vérité ce qui vous pousse et vous met en chaleur, ô vous sage insigne. Volonté de rendre pensable tout ce qui est, c'est ainsi que j'appelle votre volonté. Tout ce qui est, vous voulez d'abord le faire pensable, car vous doutez, avec une juste méfiance, que ce soit d'ores et déjà pensable. Mais tout cela doit se plier et se soumettre à vous. Ainsi le veut votre volonté. Cela doit devenir lisse et soumis à l'esprit comme son reflet et son miroir. Voilà toute votre volonté, sages insignes, votre volonté de puissance, et même quand vous parlez du bien et du mal et des jugements de valeur. Vous voudriez bien créer le monde devant lequel vous pourriez vous agenouiller, c'est votre espérance dernière et votre dernière ivresse. Ceux à qui manque la sagesse, c'est-à-dire le peuple, certes ceux-là sont pareils au fleuve que descend une barque, et dans la barque sont assis solennels et emmitouflés les jugements de valeur. Vous avez mis à flot votre volonté et vos valeurs sur le fleuve du devenir. Ce que le peuple croit être le bien et le mal, cela trahit, à mon sens, une vieille volonté de puissance. C'est vous, sage insigne, qui avez installé de tels passagers dans cette barque et qui les avez ornés de façon fastueuse et leur avez donné des noms magnifiques, vous et votre régnante volonté. Or le fleuve emporte votre barque. Il lui faut l'emporter. Peu importe l'écume et la colère de la vague que font l'étrave, ce n'est pas le fleuve qui est votre danger et la fin de votre bien et de votre mal, mais au contraire cette volonté elle-même, la volonté de puissance, la volonté de vivre que rien n'épuise et qui crée. Mais pour que vous compreniez ce que j'ai à vous dire du bien et du mal, pour cela je veux aussi vous dire un mot de la vie et de ce qui caractérise tout ce qui vit. J'ai suivi pas à pas ce qui est vivant, ses chemins les plus grands et les plus petits, pour que je connaisse ce qui le caractérise. Avec un miroir à mille facettes, j'ai recueilli son regard quand sa bouche était fermée, afin que ses yeux me parlent. Et ses yeux me parlaient. Mais là où je trouvais ce qui était vivant, j'entendais toujours parler d'obéissance. Tout ce qui est vivant est quelque chose d'obéissant. Et voilà ce que j'entendis en deuxième lieu. On commande à celui qui ne peut s'obéir lui-même. C'est là ce qui caractérise ce qui est vivant. Et voilà ce que j'entendis en troisième lieu, qu'il est plus difficile de commander que d'obéir. Et non seulement parce que celui qui commande porte le poids de tous ceux qui obéissent, et que ce poids facilement l'écrase, mais aussi parce qu'une tentative et un risque m'apparaissaient dans tout commandement. Et toujours quand commande le vivant, il s'expose lui-même. Oui, même quand il commande à lui-même, là aussi il lui faut expier le fait de commander. Il lui faut devenir le juge et le vengeur et la victime et sa propre loi. Comment cela se fait-il, me demandai-je? Qu'est-ce qui persuade le vivant d'obéir et de commander, et que commandant, il pratique encore l'obéissance? Écoutez le mot que j'ai à vous dire, vous les sages insignes. Examinez sérieusement si je me suis glissé au cœur de la vie, si j'ai pénétré aux racines de son cœur. Où j'ai trouvé du vivant, j'ai trouvé la volonté de puissance. Et même dans la volonté du servant, je trouvais la volonté de devenir maître. Que ce qui est le plus faible serve ce qui est le plus fort. Ce qui l'en persuade, c'est sa volonté d'être à son tour le maître, de ce qui est le plus faible encore. C'est le seul plaisir auquel il ne veuille pas renoncer. Et tout comme ce qu'il y a de plus petit s'abandonne à ce qui est plus grand pour qu'il y ait plaisir de puissance dans ce qu'il y a de plus petit, de même ce qui est plus grand s'abandonne et met sa vie en jeu pour sa puissance. C'est là le don de soi de ce qui est plus grand, d'être à la fois risque et péril et une partie de dé avec la mort pour enjeu. Et là où il y a sacrifice et service et regard d'amour, là il y a aussi la volonté d'être le maître. De cette façon, le plus faible se faufile par les chemins détournés jusqu'au sein de la forteresse et jusqu'au cœur le plus puissant, et il vole de sa puissance. Et la vie elle-même m'a dit ce secret. « Vois, dit-elle, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. » Certes, vous appelez ça la volonté d'enfanter, ou pousser vers le but, vers ce qui est plus haut, plus loin, plus divers, mais tout cela n'est qu'une seule chose et un secret. Je préfère encore sombrer plutôt que de renoncer à cette chose unique. Et en vérité, là où il y a déclin et chute des feuilles, voyez, la vie se sacrifie à la puissance. Qu'il me faille être combat et devenir but et contradiction des buts. Ah, celui qui devine ma volonté devine certes aussi quelle voie tortueuse elle doit emprunter. Quoi que je crée, et de quelque amour que je l'aime, bientôt il m'en faut être l'adversaire et l'adversaire de mon amour. Ainsi le veut ma volonté. Et toi aussi, toi qui accèdes à la connaissance, tu n'es qu'un sentier et la trace des pas de ma volonté. En vérité, ma volonté de puissance marche aussi sur les jambes de ta volonté de vérité. Certes, celui-là qui n'a pas atteint la vérité, qui lance vers elle le mot qui parle de volonté d'être là, cette volonté, elle n'existe pas. Car ce qui n'est pas ne peut vouloir. Mais ce qui est dans l'être, comment cela pourrait-il encore vouloir parvenir à l'être ? Ce n'est que là où est de la vie qu'est aussi la volonté. Mais non volonté de vie, mais tel est mon enseignement, volonté de puissance. Pour le vivant, bien des choses comptent plus que la vie elle-même. Mais ce qui parle dans cette estimation, c'est la volonté de puissance. Voilà ce qu'un jour m'enseigna la vie. Et par là, vous, sages d'entre les sages, je résous de plus l'énigme de votre cœur. En vérité, je vous le dis, du bien et du mal qui serait impérissable, cela n'existe pas. Ils sont contraints de se surmonter, de se surpasser sans cesse eux-mêmes. Grâce à vos valeurs et à vos paroles du bien et du mal, vous faites usage de violence, évaluateur que vous êtes. Et c'est votre amour caché et l'éclat et le tremblement et le débordement de votre âme. Mais il y a une force plus grande qui croît de vos valeurs et de votre surpassement. L'œuf et la coquille s'y brisent. Et celui qui croit être un créateur dans le bien et le mal, en vérité, celui-là croit d'abord être un anéantisseur et briser des valeurs. Ainsi, le mal suprême appartient à la suprême bonté, mais celle-ci est la bonté créatrice. Parlons-en, vous, sages insignes, bien que peu de choses soient pires, se taire est pire encore. Toutes les vérités tues deviennent vénéneuses. Et que se brise tout ce qui peut se briser contre nos vérités. Il y a encore tant de maisons à construire. Ainsi parlait Zarathoustra. Des hommes sublimes. Le fond de la mer est calme. Qui donc devinerait qu'il abrite des monstres désopilants ? Ma profondeur est inébranlable, mais elle brille d'énigmes flottantes et d'éclats de rire. Aujourd'hui, j'ai vu un homme sublime, solennel, un pénitent de l'esprit. Oh, ce que mon âme a pu rire de sa laideur. La poitrine bombée et pareil à ceux qui inspiraient de l'air, il se tenait là, debout, et il se taisait. Il brinque-ballait de laide vérité. Son butin de chasse, riche de vêtements déchirés. Beaucoup d'épines aussi étaient accrochées à lui. Mais je n'ai pas vu de rose. Il n'a pas encore appris ni le rire, ni la beauté. L'air sombre, ce chasseur est revenu de la forêt de la connaissance. Il est rentré du combat contre les bêtes sauvages, mais son air sérieux est encore le regard de la bête sauvage, une bête sauvage non surmontée. Il se tient encore là, tel un tigre qui veut bondir. Mais je n'aime pas ces âmes tendues, et tous ceux qui se mettent en retrait sont contraires à mon goût. Et vous dites, mes amis, que l'on ne doit pas discuter des goûts et des couleurs, mais toute la vie n'est qu'une querelle sur les goûts et les couleurs. Le goût. Il est en même temps poids et plateau de la balance, et il est celui qui pèse. Et malheur à tout ce qui est vivant et qui voudrait vivre sans querelle quant au poids, à la balance et à celui qui pèse. Quand cet homme sublime serait fatigué de sa sublimité, alors seulement commencerait sa beauté. Et c'est alors seulement que je voudrais le goûter et lui trouver une saveur. Et ce n'est que quand il se détournera de lui-même qu'il sautera par-dessus son ombre. Et en vérité, il sautera au beau milieu de son soleil. Il a par trop longtemps été assis dans l'ombre. Les joues de ce pénitent de l'esprit sont devenues toutes pâles. Ce qu'il attendait l'a presque fait mourir de faim. Il y a encore du mépris dans son œil, et sa bouche recèle du dégoût. Certes, il se repose maintenant, mais son repos ne s'est pas encore étendu au soleil. Il devrait faire de même que le taureau, et son bonheur devrait sentir la terre et non pas le mépris de la terre. J'aimerais le voir en taureau blanc, précédant la charrue et son attelage, soufflant et mugissant, et son meuglement chanterait la louange de la terre. Son visage est encore sombre, l'ombre de la main y joue. L'expression de son regard est encore voilée d'ombre. Son action elle-même est encore l'ombre qui pèse sur lui. La main obscurcit celui qui agit. Il n'a pas encore surmonté l'action qu'il a faite. Certes, ce que j'aime en lui, c'est la nuque du taureau. Mais je veux en outre maintenant voir le regard de l'ange. Il lui faut encore désapprendre sa volonté d'être héros. Il doit être un homme suprême et pas seulement sublime, que l'éther lui-même le soulève, cet homme sans volonté. Il a dompté des monstres, résolu des énigmes, mais il devrait délivrer aussi ses monstres et ses énigmes. Il devrait les transformer en enfants célestes. Sa connaissance n'a pas encore appris à sourire et à être sans jalousie. Sa passion débordante ne s'est pas encore apaisée dans la beauté. En vérité, ce n'est pas dans la satiété que doit se taire et plonger son désir exigeant, mais dans la beauté. La grâce fait partie de la générosité d'âme de ceux qui ont l'esprit tourné vers les grandes choses. Le bras sur la tête. C'est ainsi que devrait se reposer le héros. C'est ainsi qu'il devrait surmonter même son repos. Mais c'est justement pour le héros que le beau est la chose la plus difficile. À toute volonté violente, le beau est inaccessible. Un peu moins, un peu plus. Ici, justement, c'est beaucoup, et même l'essentiel. Se tenir debout, les muscles détendus et la volonté dételée. C'est pour vous ce qu'il y a de plus difficile, vous, les hommes sublimes. Quand la puissance se fait clémente et descend dans le visible, j'appelle beauté une telle descente. Et de personne, je ne veux autant que de toi, justement, la beauté, toi qui es puissant et fort. Que ta beauté soit l'ultime victoire que tu remportes sur toi-même. Je te sais capable de tout le mal possible, et c'est pourquoi j'exige de toi le bien. En vérité, j'ai souvent ri des faiblards qui se croient bons parce qu'ils ont la patte paralysée. Tu dois t'efforcer d'imiter la vertu de la colonne. Elle devient plus belle et plus délicate, mais au centre plus dure et plus apte à porter, au fur et à mesure qu'elle monte. Oui, toi qui es sublime, un jour tu seras beau, et tu présenteras le miroir à ta propre beauté. Alors, ton âme frémira d'avidité divine, et il y aura encore de l'adoration dans ta vanité. Ceci est en effet le secret de l'âme. Ce n'est que lorsque le héros l'a abandonné que s'approche en rêve le sur-héros. Ainsi parlait Zarathoustra. Du pays de la culture. Je me suis envolé trop loin dans l'avenir. Un frisson d'horreur m'a saisi. Et lorsque je regardais autour de moi, voici que le temps était mon seul contemporain. Alors je me suis enfui. Je suis retourné chez moi, avec une hâte toujours plus grande. C'est ainsi que je suis parvenu jusqu'à vous, homme d'à présent, et au pays de la culture. Pour la première fois, j'avais un regard pour vous et j'étais bien disposé. En vérité, je suis venu le désir plein le cœur. Mais que m'arriva-t-il? Malgré ma peur, il me fallut rire. Jamais mes yeux n'ont rien vu d'aussi bariolé. Je ris et je ris, tandis que mon pied tremblait encore, et mon cœur aussi. « Mais c'est ici la patrie de tous les pots de couleur !» m'écriai-je. Le visage et les membres peints de 50 taches de couleur, c'est ainsi qu'à ma stupeur je vous vis assis, homme d'aujourd'hui, et disposé autour de vous 50 miroirs qui flattaient votre jeu de couleurs et le reproduisaient. En vérité, vous ne pourriez porter de meilleurs masques, vous, homme d'à présent, que votre visage. Qui pourrait vous reconnaître ? Couvert tout entier des signes écrits du passé, et ces signes mêmes recouverts d'autres encore, barbouillés par-dessus. Ainsi vous vous êtes caché de tous les déchiffreurs de signes. Et fût-on celui qui scrute les reins et les cœurs, qui donc pourrait croire que vous avez des reins? Vous avez été fait d'un bouillon de couleurs et de fiches encollées. On voit, multicolores, toutes les époques et tous les peuples à travers vos voiles. Toutes les coutumes et toutes les croyances parlent un langage bariolé dans vos attitudes. celui qui vous dépouillerait des voiles, des draperies, des couleurs et des attitudes, il lui resterait juste assez de vous pour en effrayer les oiseaux. En vérité, moi-même, je suis l'oiseau effrayé qui vous a, un jour, vu tout nu et sans couleur. Je me suis envolé à tire-d'aile lorsque le squelette me fit des signes d'amour. J'aimerais mieux encore être journalier dans le monde des enfers et auprès des ombres du passé. Les habitants des mondes d'en bas sont encore plus gras et plus pleins que vous. Oui, c'est cela l'amertume de mes entrailles, vous, homme d'à présent, que je ne puisse vous supporter ni tout nu, ni habillé. Tout ce qui est inquiétant dans l'avenir et tout ce qui jadis faisait frémir les oiseaux à jamais envolés est en vérité plus rassurant encore et plus familier que votre réalité, car vous parlez ainsi. Nous sommes réels, tout entiers, sans foi ni superstition. Ainsi bombez-vous le torse, bien que vous n'en ayez guère. Oui, comment pourriez-vous donc croire, vous qui êtes parsemé de taches de couleurs, vous qui n'êtes que des tableaux peints de tout ce qu'on n'a jamais cru. Vous êtes des réfutations ambulantes de la foi elle-même et vous brisez les os à toutes les pensées. Être indigne de foi, c'est ainsi que je vous appelle, gens de réalité. Toutes les époques jacassent les unes contre les autres dans vos esprits, et les rêves de toutes les époques et leur bavardage étaient plus réels encore que vous ne l'êtes à l'état de veille. Vous êtes stérile. C'est pourquoi la foi vous manque. Mais celui qui devait créer, celui-là avait toujours ses rêves de vérité et ses signes dans les étoiles, et il avait foi dans la foi. Vous êtes des portails à demi ouverts devant lesquels des fossoyeurs attendent. Et cela, c'est votre réalité. Tout mérite de périr. Hélas, comme vous voilà debout devant moi, vous les stériles, que vous êtes maigres, on vous voit les côtes. Il en est même parmi vous qui s'en sont rendus compte eux-mêmes. Et ils dirent, sûrement pendant que je dormais, un dieu en secret m'a-t-il enlevé quelque chose? En vérité, il m'en a enlevé assez pour s'en faire une petite femme. Étrange, la pauvreté de mes côtes. Ainsi parlaient mains hommes d'à présent. Oui, vraiment, vous me faites rire, homme d'à présent. Et tout particulièrement lorsque c'est de vous-même que vous vous étonnez. Et malheur à moi, si je ne pouvais rire de votre étonnement, si je ne pouvais boire tout ce que vos écuelles contiennent de peu ragoûtant. Mais avec vous, je veux prendre les choses à la légère, car il me faut porter des choses lourdes. Et qu'est-ce que cela peut bien me faire si des hannetons et des vers ailés se posent sur mon baluchon? En vérité, il n'en sera pas plus lourd. Et ce n'est pas de vous, gens d'à présent, que me viendra la grande fatigue. Ah, où dois-je monter encore avec mon désir? Du haut de toutes les montagnes, je cherche du regard des patries et des terres maternelles, et de pays natal, je n'en trouvais nulle part. Je suis errant dans toutes les villes et sur le point de partir à toutes les portes. Les hommes d'à présent me sont étrangers, ils sont dérisoires. Eux vers qui, il y a peu, me poussait mon cœur. Et je suis banni de toutes les patries et de toutes les terres maternelles. C'est ainsi que je n'aime plus que le pays de mes enfants, inexploré encore, au plus lointain des mers. C'est lui que je dis à mes voiles de chercher et de chercher encore. C'est à l'égard de mes enfants que je veux réparer le fait d'être le fils de mes pères. Et en tout avenir, je veux réparer ce présent. Ainsi parlait Zarathoustra. De l'Immaculée Connaissance. Lorsqu'hier la lune se leva, je supposais qu'elle voulait donner naissance à un soleil, tant elle s'étalait à l'horizon, large et pleine. Mais sa grossesse n'était que mensonge, et je croirais plutôt à l'homme dans la lune qu'à la femme. Certes, il est bien peu homme, ce noctambule timide. En vérité, il chemine plein de mauvaise conscience par-dessus les toits, car il est lascif et jaloux, le moine qui habite la lune. Il nourrit un désir libidineux pour la terre et toutes les joies des amoureux. Non, je ne l'aime pas, ce chat sur les toits. Tout ce qui se faufile autour des fenêtres mi-closes me répugne. Pieux et silencieux, il marche sur des tapis d'étoiles, mais je n'aime pas les pas d'hommes trop légers où ne sonne pas d'éperon. Le pas d'un homme loyal parle, mais le chat passe furtivement sur le sol. Et voyez, la lune vient comme un chat, déloyal. Je vous dis cette parabole à vous, hypocrite sensible, vous qui prétendez à la connaissance pure. Vous, je vous appelle des libidineux. Vous aussi, vous aimez la terre et ce qui est terrestre. Je vous ai deviné. Mais il y a de la honte dans votre amour et de la mauvaise conscience. Vous êtes semblable à la lune. On a convaincu votre esprit du mépris de ce qui est terrestre. Mais non vos entrailles. Ce sont elles, ce qu'il y a en vous de plus fort. Or votre esprit a honte d'être soumis à vos entrailles, et pour fuir sa propre honte, il suit des chemins détournés et trompeurs. Voilà qui serait pour moi ce qu'il y a de plus haut. C'est ainsi que parle votre esprit mensonger à lui-même. Regardez la vie sans convoitise avide, et non pas pareil au chien la langue pendante. Être heureux de regarder avec une volonté morte, sans la morsure et l'avidité de l'égoïsme, le corps tout entier froid et d'un gris de cendre, mais les yeux enivrés de lune. Ce que je préférerais, c'est ce dont s'abuse l'esprit abusé, c'est d'aimer la terre comme l'aime la lune et de n'effleurer sa beauté que des yeux. Et que je ne veuille rien des choses, si ce n'est d'avoir le droit d'être étendu devant elle, comme un miroir à mille regards. Voilà ce qui est pour moi la connaissance immaculée de toutes choses. Ô hypocrite sensible, lascif que vous êtes, il vous manque l'innocence de l'avidité, et c'est pourquoi vous calomniez le désir avide. En vérité, ce n'est pas comme créateur, générateur joyeux de devenir que vous aimez la terre. Où y a-t-il innocence? Là où il y a volonté de génération. Et celui qui veut créer au-delà de lui-même, celui-là possède à mes yeux la volonté la plus pure. Où y a-t-il beauté? Là où il me faut vouloir avec toute ma volonté, là où je veux aimer et sombrer pour qu'une image ne reste pas seulement une image. Aimer et sombrer, cela rime depuis des éternités. Volonté d'amour, c'est aussi consentement à la mort. Voilà ce que j'ai à vous dire, pleutre que vous êtes. Et vous prétendez, vous, les émasculés, qu'il y a de la contemplation dans vos yeux qui louchent. Et tout ce que peuvent tâter de lâches regards, tout cela, il faudrait le baptiser du mot beau. Ô vous qui souillez tous les noms nobles. Mais ce sera votre malédiction, vous, les immaculés, vous, les adeptes de la connaissance pure, de ne jamais donner naissance à rien. Et seriez-vous étendu à l'horizon, large et gravide. En vérité, vous avez la bouche pleine de mots nobles. Et nous devrions croire que votre cœur déborde, fief et menteur que vous êtes. Mais mes mots à moi sont des mots de peu d'importance, des mots méprisés et tordus. Volontiers je ramasse ce qui tombe sous ma table lors de votre repas. Grâce à eux, je peux toujours dire la vérité aux hypocrites. Oui, mes arêtes, mes coquilles et mes piquants doivent me servir à chatouiller le nez des hypocrites. Il y a toujours du mauvais air autour de vous et de vos repas. Oui, vos pensées libidineuses, vos mensonges, vos cachotteries remplissent l'air. Osez donc d'abord croire en vous-même et en vos entrailles. Qui ne croit en lui-même, ment toujours. Vous vous êtes attaché le masque d'un dieu devant la figure, vous, les purs. Votre ignoble ver de terre s'est réfugié dans le masque d'un dieu. En vérité, vous êtes trompeurs, vous les contemplatifs. Même Zarathoustra fut jadis dupe de vos dépouilles divines. Il n'a pas su deviner le nœud de vipère dont elles étaient bourrées. Je crus jadis voir l'âme d'un dieu jouer au cœur de vos jeux, vous, adeptes de la connaissance pure. Il ne me semblait pas y avoir d'art meilleur que votre savoir-faire. La distance me cachait les déjections de serpents et l'odeur nauséabonde, et j'ignorais que la ruse d'un lézard rôdât ici, libidineuse. Mais je me suis approché de vous, alors le jour s'est fait pour moi, et le voilà qui vient vers vous. C'en est fini des amours de la lune. Regardez donc, la voilà, la lune pâle et penaude face au soleil levant. Car le voilà qui vient, lui, l'incandescent. Son amour pour la terre vient. Tout amour du soleil est innocence et avidité de créateur. Regardez avec quelle impatience il s'élève par-dessus la mer. Ne sentez-vous pas la soif et la laine chaude de son amour? Il veut aspirer la mer et boire les profondeurs et les élever jusqu'à lui. L'avidité de la mer s'élève comme le souffle de mille poitrines. La mer veut sentir le baiser du soleil. Elle veut être aspirée par sa soif. Elle veut devenir air et hauteur et sentier de lumière et lumière elle-même. En vérité, pareil au soleil, j'aime la vie et toutes les mers profondes. Et voilà ce que j'appelle connaissance. Tout ce qui est profond doit monter jusqu'à ma hauteur. Ainsi parlait Zarathoustra. Des savants. Comme je dormais, un mouton se mit à brouter la colonne de lierre qui entourait ma tête. Il broutait tout en disant « Zarathoustra n'est plus un savant ». Puis il s'en alla, plein de dédain et fier. C'est un enfant qui me l'a raconté. J'aime bien m'étendre ici où jouent les enfants, près du mur écroulé parmi les chardons et les coquelicots. Pour les enfants et les chardons et les coquelicots rouges, je suis encore un savant. Eux, ils sont innocents, même jusque dans leur méchanceté. Mais je n'en suis plus un pour les moutons. Tel est mon lot. Béni soit-il. Car voici la vérité. J'ai quitté la demeure des savants et j'ai même claqué la porte derrière moi. Trop longtemps, mon âme a eu faim à leur table. Je ne suis pas pareil à eux, fabriqué pour la connaissance comme pour casser des noix. J'aime la liberté et l'air sur la terre fraîche. J'aime encore mieux dormir sur des peaux de bœufs que sur leur dignité et leur respectabilité. Je suis par trop ardent, trop brûlé par mes propres pensées. Souvent, j'en ai le souffle coupé. Alors il me faut aller à l'air libre, loin de toutes les chambres empoussiérées. Mais ils sont assis au frais, dans l'ombre fraîche. En toute chose, ils ne veulent être que spectateurs, et ils se gardent bien de s'asseoir là où le soleil brûle les marches. Pareil à ceux qui s'arrêtent dans la rue pour regarder les passants, bouche bée. Eux, ils attendent et regardent, bouche bée, des pensées que d'autres ont pensées. Les saisit-on des mains, voilà qu'ils se mettent à dégager la poussière comme des sacs de farine, et cela malgré eux. Qui donc pourrait deviner que leur poussière provient du blé et de la blonde allégresse des champs d'été? Lorsqu'ils font dans la sagesse, leurs petites sentences et leurs petites vérités me donnent le frisson. Il y a souvent dans leur sagesse une odeur comme venue d'un marécage. Et en vérité, j'ai déjà plus d'une fois entendu coasser la grenouille. Ils sont adroits, leurs doigts sont habiles. Que peut bien vouloir ma simplicité auprès de leur complexité? Leurs doigts s'entendent à tout filer, à tout attacher, à tout tisser. Aussi tricotent-ils les chaussettes de l'esprit. Ils sont de bons mécanismes d'horlogerie. Il faut simplement prendre soin de les remonter correctement. Alors ils indiquent toujours l'heure sans se tromper et font entendre en même temps un modeste ronron. Ils travaillent à la manière des moulins et des pilons. Il suffit de leur verser des grains. Ils savent, quant à eux, comment réduire le blé en fine poussière blanche. Ils se surveillent attentivement les uns les autres et n'ont aucune confiance, pas même pour le meilleur d'entre eux. Habiles à inventer de petites astuces, ils attendent ceux dont le savoir s'avance à pas lents. Ils attendent, pareil à des araignées. Je les ai toujours vus préparer du poison avec beaucoup de précautions. Toujours, à cette occasion, ils ont mis des gants de verre à leurs doigts. Ils savent aussi jouer avec des dépipés. Je les ai tellement pris par le jeu qu'ils en étaient couverts de sueur. Ils me sont étrangers, et leur vertu me dégoûte encore plus que leur fausseté et leur dépipé. Et lorsque j'habitais parmi eux, j'habitais au-dessus d'eux. C'est pour ça qu'ils m'en ont voulu. Ils ne veulent pas entendre les pas de quelqu'un qui marcherait au-dessus de leur tête. Aussi ont-ils déposé du bois, de la terre et des ordures entre leur tête et moi. Ainsi ont-ils assourdi le bruit de mes pas. Et ceux qui jusque-là m'ont entendu le plus mal, ce sont les savants. Ils ont mis toutes les fautes et toutes les faiblesses entre eux et moi. Faux plancher, appellent-ils cela dans leur maison. Mais malgré tout, je marche avec mes pensées au-dessus de leur tête. Et même si je marchais appuyé sur mes propres fautes, je serais encore au-dessus d'eux et de leur tête. Car les hommes ne sont pas pareils et égaux. Ainsi parle la justice. Et ce que moi je veux, eux ne devraient pas le vouloir. Ainsi parlait Zarathoustra. Des poètes. Depuis que je connais mieux le corps, dit Zarathoustra à l'un de ses disciples, l'esprit n'est plus pour moi l'esprit que pour ainsi dire, et tout ce qui est impérissable n'est aussi qu'une image. Je t'ai déjà entendu dire de telles choses, répondit le disciple, et alors tu ajoutas, mais les poètes mentent trop. Pourquoi as-tu dit que les poètes mentaient trop? Pourquoi, dit Zarathoustra, tu demandes pourquoi? Je ne suis pas de ceux à qui on a le droit de demander leur pourquoi. Suis-je donc né d'hier? Il y a bien longtemps que j'ai appris en les vivant les raisons de mes opinions. Ne me faudrait-il pas être un tonneau de mémoire si je voulais avoir en plus mes raisons avec moi? C'est déjà trop pour moi de garder mes opinions moi-même. Il est maint oiseau qui s'envole. Et parfois je trouve dans mon colombier une bête qui n'en fait pas partie, qui m'est étrangère et qui tremble quand je pose ma main sur elle. Pourtant, que t'as dit un jour, Zarathoustra? Que les poètes mentent trop? Mais Zarathoustra aussi est un poète. Crois-tu qu'il a dit la vérité ici? Pourquoi le crois-tu? Le disciple répondit, je crois en Zarathoustra. Mais Zarathoustra secoua la tête et sourit. La foi ne me rend pas heureux, dit-il, tout au moins pas la foi en moi. Mais en admettant que quelqu'un dise sérieusement les poètes mentent trop, alors il a raison, nous mentons trop. Nous savons aussi trop peu de choses et apprenons mal. Aussi nous faut-il mentir. Et qui, parmi nous autres poètes, n'aurait pas falsifié son vin? Il s'est fait bien des mixtures empoisonnées dans nos caves. On y a préparé des choses innommables. Et parce que nous savons peu de choses, les pauvres en esprit plaisent à nos cœurs, surtout lorsque ce sont de petites jeunes femmes. Et nous sommes même avides de ce que se racontent les petites vieilles le soir. C'est ce que nous appelons en nous-mêmes l'éternel féminin. Et comme s'il existait un accès particulier et secret au savoir, accès qui s'éboule pour ceux qui apprennent quelque chose, nous croyons au peuple et à sa sagesse. Mais tous les poètes croient que celui qui est couché sur l'herbe ou sur un versant solitaire, les oreilles dressées, apprend quelque chose de ce qui se passe entre ciel et terre. Et s'il leur vient des attendrissements, aussitôt les poètes croient toujours que la nature est amoureuse d'eux. Ils croient qu'elle se glisse à leur oreille pour y murmurer des choses secrètes et d'amoureuses cajoleries. Ils en bombent le torse et s'enflent de fierté face à tous les mortels. Ah, il existe tant de choses entre ciel et terre que les poètes sont les seuls à avoir rêvé, et particulièrement au-dessus du ciel, car tous les dieux sont des paraboles et des trucages de poètes. En vérité, toujours quelque chose nous tire, à savoir vers le royaume des nuages. Nous y installons nos baudruches de toutes couleurs et nous les appelons alors dieux et des surhumains. Tous ces surhumains, ces dieux, ils sont tout juste assez légers pour de telles chaises. Ah, que je suis fatigué de toutes ces choses insuffisantes qui veulent à toute force être événement. Ah, que je suis fatigué des poètes. Lorsque Zarathoustra parla ainsi, son disciple en fut irrité contre lui. Mais il garda le silence. Et Zarathoustra aussi se tut, et son regard s'était tourné vers l'intérieur, comme s'il voyait des horizons lointains. Enfin, il soupira et respira profondément. « Je suis d'aujourd'hui et je suis de jadis, » dit-il. « Mais il y a quelque chose en moi qui est de demain et d'après-demain, et de toujours. Je me suis fatigué des poètes, des anciens, des modernes. Ils sont tous, à mon avis, superficiels. Ils sont des mers peu profondes. Ils n'ont pas assez pensé en profondeur. C'est pourquoi leur façon de sentir n'a pas plongé jusqu'au tréfonds. Un peu de volupté et un peu d'ennui. Voilà qui a encore été le meilleur de leur méditation. Tout le glinglin de leur harpe n'est rien d'autre pour moi que de l'haleine et du passage de fantômes. Que peuvent-ils bien savoir de la ferveur des sons? Ils ne sont pas non plus à mon gré suffisamment propres. Ils troublent toutes leurs eaux pour qu'elles en paraissent profondes. Et ils aiment se faire passer pour des conciliateurs. Mais pour moi, ils ne restent que des entremetteurs et des tripoteurs, des demi-portions, des malpropres. Mais moi aussi, j'ai jeté mon filet dans leur mer et je voulais attraper de beaux poissons. Mais ce que je ramenais toujours, c'était la tête d'un vieux dieu. Ainsi, la mer a donné une pierre à l'affamé, et eux-mêmes peuvent bien provenir de la mer. Certes, on trouve des perles en eux. C'est pourquoi ils sont eux-mêmes d'autant plus semblables à des coquillages durs. Et à la place de l'âme, j'ai souvent trouvé chez eux des glaires salées. De la mer, ils ont même appris la prétention. La mer n'est-elle pas le paon entre les paons? Elle fait même la roue devant le plus laid de tous les buffles. Jamais elle ne se lasse du mouvement de son éventail dentelé d'argent et de soie. Obstiné, le buffle regarde. Son âme est proche du sable, plus proche encore du fourré, mais le plus proche du marécage. Que peuvent bien lui faire la beauté de la mer et l'ornement du paon? Voilà la parabole que je dédie à tous les poètes. L'esprit du poète veut des spectateurs. Peu lui importe que ce soit même des buffles. Mais je me suis fatigué de cet esprit-là. Et ce que je vois venir, c'est qu'il se fatiguera de lui-même. Déjà j'ai vu des poètes transformés, le regard dirigé contre eux-mêmes. J'ai vu venir des pénitents de l'esprit. Ils sont nés d'eux. Ainsi parlait Zarathoustra. De grands événements. Il y a une île dans la mer, pas loin des îles bienheureuses de Zarathoustra, où ne cesse de fumer une montagne de feu. Le peuple, et surtout les petites vieilles du peuple, disent qu'elle est placée comme un bloc de rocher devant l'entrée des enfers. Mais à travers la montagne de feu elle-même, paraît-il, descend les trois sentiers qui mènent à l'entrée de ces mondes souterrains. Or, en ce temps où Zarathoustra séjournait dans les îles bienheureuses, il arriva qu'un bateau jeta l'ancre près de l'île où se trouve la montagne qui fume, et son équipage débarqua pour tirer des lapins. Mais vers l'heure de midi, lorsque le capitaine et ses gens furent à nouveau rassemblés, ils virent, tout à coup, un homme venir à eux à travers l'air et une voix se fit entendre qui dit distinctement « Il est temps, il est grand temps !» Mais alors que la silhouette était le plus près d'eux, elle passait rapidement à travers l'air, comme une ombre, dans la direction où se trouvait la montagne de feu. Ils reconnurent avec la plus grande consternation que c'était Zarathoustra, car tous, déjà, l'avaient vu, à l'exception du capitaine lui-même, et il aimait quand même le peuple, c'est-à-dire qu'à part égale, on trouve réunis l'amour et la crainte. « Regardez donc, » dit le vieux timonier, « voilà Zarathoustra en route pour l'enfer. » Vers la même époque où les navigateurs débarquèrent sur l'île de Feu, le bruit courut que Zarathoustra avait disparu. Et lorsqu'on interrogeait ses amis, il racontait qu'il s'était rendu une nuit sur un bateau sans dire où il voulait se rendre. Aussi se mit-on à être inquiet, et 3 jours plus tard, l'histoire des navigateurs s'ajouta à l'inquiétude. Et alors tout le peuple dit que le diable était venu chercher Zarathoustra. Certes, ses disciples riaient de ces bruits, et l'un d'entre eux dit même « Je croirais plutôt encore que c'est Zarathoustra qui est allé se chercher le diable. » Mais au fond de l'âme, ils étaient pleins d'inquiétude, et ils se languissaient de lui. Aussi leur joie fut-elle grande lorsque, le 5e jour, Zarathoustra reparut au milieu d'eux. Et voici le récit que Zarathoustra fit de sa conversation avec le chien de feu. « La terre, dit-il, a une peau, et cette peau a des maladies. L'une de ces maladies, par exemple, s'appelle homme, et une autre de ces maladies s'appelle le chien de feu. À son propos, les hommes ont raconté beaucoup de mensonges, et se sont laissés aussi raconter beaucoup de mensonges. Pour résoudre ce mystère, j'ai traversé la mer, et j'ai vu la vérité toute nue, ma foi, toute nue, des pieds à la tête. Pour ce qui est du chien de feu, je le sais maintenant, et de même pour tous les diables éructés de l'enfer qui veulent tout renverser, que ne craignent pas seulement les petites vieilles. « Sors de là, chien de feu, sors de tes profondeurs, m'écriai-je, et confesse quelle est la profondeur des profondeurs où tu te tiens. D'où vient donc ce que tu remontes en soufflant au bout de ton museau ? Tu bois largement de l'eau de la mer, c'est ce que trahit le sel de ta faconde. En vérité, pour un chien des profondeurs, tu prends la nourriture par trop à la surface. Je te tiens tout au plus pour le ventriloque de la terre, et chaque fois que j'entendis parler les diables éructés de l'enfer qui veulent tout renverser, je les trouvais pareils à toi. » Sale, menteur et plat. Vous savez gueuler et obscurcir avec des cendres. Vous êtes les grandes gueules les plus grandes et vous avez appris à satiété l'art de faire chauffer la boue jusqu'à l'ébullition. Partout où vous êtes, il faut toujours qu'il y ait de la boue à proximité et qu'il y ait beaucoup de choses spongieuses, caverneuses et comprimées. Tout cela veut la liberté. Liberté, c'est ce que vous hurlez le plus volontiers tout ce temps que vous êtes. Mais j'ai désappris la foi dans les grands événements aussitôt qu'il y a autour de ceci beaucoup de hurlements et de fumées. Et crois-moi, mon ami, un bruit d'enfer. Les plus grands événements ne sont pas nos heures les plus bruyantes, mais nos heures les plus silencieuses. Ce n'est pas autour des inventeurs de bruits nouveaux, c'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que le monde tourne. Il tourne silencieusement. Et avoue-le, il était bien arrivé peu de choses quand ton bruit et ta fumée s'étaient dissipés. Qu'est-ce que cela peut faire qu'une ville se soit pétrifiée, qu'une statue gise dans la boue ? Et j'ai encore ceci à dire aux démolisseurs de statues. Voilà certes les plus grandes sottises qui soient, verser du sel dans la mer et jeter des statues dans la boue. La statue gisait dans la boue de votre mépris. Mais c'est justement là sa loi de puiser, dans le mépris, une vie nouvelle et une beauté vivante. La voici qui se révèle avec des traits plus divins et plus séduisantes de souffrance et en vérité, elle vous dira encore merci de l'avoir renversé, culbuteur que vous êtes. Mais voici le conseil que je donne aux rois, aux églises et à tout ce qui est affaibli par l'âge et la vertu. Laissez-vous donc renverser pour que vous reveniez à la vie et que la vertu vous revienne. Ainsi parlais-je en présence du chien de feu. Alors il m'interrompit en maugréant et me demanda « L'église ? Qu'est-ce que c'est que cela ?»« L'église, répondis-je, c'est une espèce d'état. » Et c'en est l'espèce la plus mensongère. Cependant, tais-toi donc, chien hypocrite. Mieux que personne, tu connais ta propre espèce. Tout comme toi, l'État est un chien hypocrite. Tout comme toi, il aime à parler par fumée et hurlement, afin de faire croire, tout comme toi, qu'en lui parle le ventre des choses. Car il veut, à toute force, l'État, être l'animal le plus important sur Terre. Et on le croit. Lorsque je lui dis cela, le chien en devint fou de jalousie. « Comment ? » s'écria-t-il, « l'animal le plus important sur Terre, et on le croit ?» Et il sortit tant de vapeurs et de voix horribles de sa gorge que je croyais qu'il allait étouffer de rage et de jalousie. Finalement, il se calma, et ses halètements s'apaisèrent. Mais aussitôt qu'il se calma, je dis en riant, « Tu rages, hein, chien de feu, donc j'ai raison contre toi. Et pour que je ne cesse d'avoir raison, écoute ce que j'ai à te dire d'un autre chien de feu. La voix de celui-ci est vraiment issue du cœur de la Terre. » Son haleine souffle l'or et de la pluie d'or. C'est ainsi que le veut son cœur. que peuvent bien lui importer cendre, fumée et glaire. Des rires sortent de lui en voletant comme des nuages multicolores. Il dédaigne tes raclements de gorge, tes crachotements et tes ballottements d'entrailles. Mais l'or et le rire, il les prend au cœur de la terre, car pour que tu le saches, le cœur de la terre est en or. Lorsque le chien de feu entendit ceci, il n'y tint plus de m'entendre. Honteux, il mit la queue entre les jambes et dit d'une petite voix « Ouah, ouah !» et il redescendit en rampant dans sa caverne. Voilà ce que racontait Zarathoustra, mais ses disciples l'écoutaient à peine. Si grande était leur envie de lui parler des matelots, du lapin et de l'homme volant. « Ce que je dois en penser, » dit Zarathoustra, « suis-je donc un fantôme ? Mais cela a dû être mon ombre. Vous avez déjà entendu certaines choses à propos du voyageur et de son ombre, n'est-ce pas ? Mais ce qui est sûr, il faut que je la tienne plus court, sinon elle trouvera le moyen de me gâter ma réputation. » Et encore une fois, Zarathoustra secoua la tête et il s'étonna. « Ce que je dois en penser ? » dit-il encore une fois. « Pourquoi donc le fantôme a-t-il crié ? Il est temps, il est grand temps. » « De quoi donc est-il grand temps ?» Ainsi parlait Zarathoustra. Le devin. Et je vis une grande tristesse s'emparer des hommes. Les meilleurs se lassèrent de leurs œuvres. Une doctrine se répandait qu'une croyance accompagnait. Tout est vide, tout est pareil, tout a été. Et de toutes les collines, l'écho répétait « Tout est vide, tout est pareil, tout a été. » Certes, nous avons récolté, mais pourquoi tous nos fruits ont-ils pourri ? Pourquoi sont-ils devenus bruns ? Qu'est-il tombé de la lune maléfique la nuit dernière ? Tout travail a été vain, notre vin est devenu venin, le mauvais œil a consumé, jauni nos champs et nos cœurs. Nous nous sommes tous desséchés, et si le feu tombe sur nous, nous ne faisons que dégager de la poussière, pareil à la cendre. Oui, nous avons même lassé le feu. Tous les puits ont tari pour nous, la mer a reculé, elle aussi. On dirait que le sol va se dérober, mais les profondeurs n'engloutissent rien. Ah, où donc est une mer dans laquelle on pourrait encore se noyer ? Voilà notre plainte, elle retentit par-dessus de plats marécages. En vérité, nous étions déjà trop fatigués pour mourir. Nous veillons encore et continuons à vivre dans les sépulcres. Zarathoustra entendit parler ainsi un devin, et sa prophétie lui alla au cœur et le transforma. Il déambulait, triste et fatigué, et il devint semblable à ceux dont avait parlé le devin. En vérité, dit-il à ses disciples, il s'en faut de peu pour que vienne ce long crépuscule. Comment vais-je faire pour sauver ma lumière et l'emporter de l'autre côté ? Qu'elle ne s'éteigne surtout pas dans cette tristesse. Ne doit-elle être lumière pour des mondes plus lointains et pour des nuits plus lointaines encore ? Ainsi préoccupé dans son cœur, Zarathoustra allait de ci de là, et 3 jours durant il ne prit ni nourriture ni boisson. Il ne connaissait plus de repos et ne pouvait plus parler. Enfin, il tomba dans un profond sommeil. Mais ses disciples étaient assis autour de lui en longue veille et attendaient soucieux, se demandant s'il se réveillerait, s'il se remettrait à parler et s'il allait guérir de sa mélancolie. Mais voici le discours que Zarathoustra fit lorsqu'il se réveilla. Mais il parut à ses disciples que sa voix venait de très loin. « Écoutez donc le rêve que j'ai rêvé, mes amis, et aidez-moi à en trouver le sens. Il est encore une énigme pour moi, ce rêve. Son sens est caché en lui et pris en lui. Ne vole pas encore au-dessus de lui, les ailes libres. J'ai rêvé avoir renoncé à toute vie. J'étais devenu un veilleur de nuit, un gardien de tombeau, là-bas sur la montagne solitaire du château fort de la mort. Là-haut, je veillais ses cercueils. Les salles voûtées, ternes, étaient pleines de ces signes de victoire. Une vie surmontée me regardait de ses cercueils de verre. Je respirais l'odeur d'éternité poussiéreuse. Mon âme était lourde et poussiéreuse. Qui donc aurait pu, en cet endroit, aérer son âme ? La clarté de minuit ne cessait de m'entourer. La solitude se tenait accroupie à côté d'elle, et en troisième lieu, il y avait le silence de mort, entremêlé de râles, le pire de mes amis. J'avais les clés les plus rouillées de toutes, et je savais m'en servir, pour ouvrir le plus grinçant de tous les portails. Pareil à un grincement aigre et horrible, le son se répandait à travers les longs couloirs. Quand les battants de ce portail s'ouvraient comme des ailes, le cri de cet oiseau était laid. Il ne voulait pas qu'on le réveille. Mais c'était bien plus horrible encore, et cela vous serrait encore bien plus le cœur quand de nouveau tout se taisait, que le silence se faisait, et que j'étais assis tout seul dans ce silence perfide. C'est ainsi que le temps passait pour moi, ou plutôt qu'il se glissait pour autant qu'il y avait encore le temps. Qu'en sais-je ? mais enfin arriva ce qui me réveilla. Trois fois, des coups furent frappés au portail, pareil à des coups de tonnerre. Trois fois, les voûtes les répercutèrent comme des hurlements. Alors j'allai au portail. « Alpa, m'écriai-je, qui vient porter ses cendres à la montagne ? Alpa, Alpa, qui vient porter ses cendres à la montagne ?» Et j'appuyai sur la clé, m'efforçai de lever le portail, mais il ne s'ouvrit pas même de la largeur d'un doigt. Alors un vent violent en ouvrit les deux battants d'un coup, hurlant, sifflant, strident, coupant. Il jeta vers moi un cercueil noir. Et au milieu des sifflements, des hurlements et des crissements, le cercueil éclata et cracha mille éclats de rire, et de mille faces grimaçantes d'enfants, d'anges, de hiboux, de fous et de papillons de la taille d'un enfant. Les éclats de rire se jetaient vers moi, sarcastiques, hurlants. J'en éprouvais une terreur horrible. Cela me jeta à terre, et je criai d'horreur, comme jamais je n'avais crié. Mais mon propre cri me réveilla, et je revins à moi. Ainsi Zarathoustra raconta son rêve, puis il se tut, car il ne savait pas encore comment interpréter son rêve. Mais le disciple qu'il préférait se leva rapidement, prit la main de Zarathoustra et dit « Ta vie elle-même nous donne l'interprétation de ce rêve, ô Zarathoustra. N'es-tu pas toi-même le vent au sifflement strident qui ouvre à la volée les portails des châteaux forts de la mort ? N'es-tu pas toi-même le cercueil plein des méchancetés multicolores et des grimaces d'anges de la vie ? En vérité, comme des milliers d'éclats de rires enfantins, Zarathoustra vient dans tous les sépulcres, se riant des veilleurs de nuit et des gardiens de tombeaux et de tous ceux qui font sonner des clés sinistres. Tu vas les effrayer et les renverser de tes éclats de rire. Évanouissement et réveil prouveront ton pouvoir sur eux. Et même si viennent le long crépuscule et la mortelle fatigue, tu ne disparaîtras pas de notre ciel, toi, intercesseur de la vie. Tu nous as fait voir de nouvelles étoiles et de nouvelles splendeurs nocturnes. En vérité, tu as tendu la vie elle-même au-dessus de nous comme une toile de temple multicolore. Toujours désormais un rire d'enfant va jaillir des cercueils. Toujours désormais un vent puissant va souffler sur toute fatigue mortelle. Tu en es toi, le garant et le devin. En vérité, toi-même, tu les as rêvés, tes ennemis. Ce fut ton rêve le plus pesant. Mais de la manière dont tu t'es éveillé d'eux et dont tu es revenu à toi, de la même manière, il leur faut s'éveiller d'eux-mêmes et venir à toi. » Ainsi parla le disciple. Et tous les autres, maintenant, se pressaient autour de Zarathoustra, lui prenaient les mains et voulaient le convaincre de quitter son lit et sa tristesse, de revenir parmi eux. Mais Zarathoustra se tenait assis sur sa couche. Pareil à celui qui revient d'une longue absence, il regardait ses disciples et scrutait leur visage, et il ne les reconnaissait pas encore. Mais lorsqu'ils le levèrent et le mirent sur ses pieds, voici que tout à coup son regard se transforma. Il comprit tout ce qui était arrivé, lissa sa barbe et dit d'une voix forte « Allons, tout cela a le temps. Veillez plutôt, mes disciples, à ce que nous fassions un bon repas, et le plus tôt possible. » C'est ainsi que je pense faire pénitence pour de mauvais rêves. Mais que le devin mange et boive à mes côtés. Et en vérité, je vais moi lui montrer une mer dans laquelle il pourra se noyer. » Ainsi parlait Zarathoustra. Mais là-dessus, il regarda longuement dans les yeux le disciple qui avait interprété son rêve, et en même temps, il secouait la tête. De la rédemption. Comme Zarathoustra un jour franchissait le grand pont, les infirmes et les mendiants l'entourèrent. Et un bossu lui adressa la parole en ces termes. « Vois, Zarathoustra, le peuple aussi apprend quelque chose de toi et acquiert la foi en ton enseignement. Mais pour qu'il te croie tout à fait, il lui manque encore une chose. Il te faut encore nous convaincre, nous, les infirmes. Or, tu as ici un bel échantillonnage et en vérité une occasion qui s'offre par plus d'un cheveu. Tu sais guérir les aveugles et rendre leurs jambes aux paralytiques. Et tu pourrais aussi bien en élever un petit peu à celui qui en a toujours de trop derrière lui. » Voilà, je trouve, la bonne manière pour amener les bossus à croire en Zarathoustra. Mais Zarathoustra répondit ainsi à celui qui parlait. Si on enlève sa bosse au bossu, on lui enlève son esprit. Ainsi enseigne le peuple. Et si l'on rend ses yeux à l'aveugle, il voit trop de choses vilaines sur terre, au point qu'il en maudit celui qui l'a guéri. Mais celui qui rendrait ses jambes au paralytique, il lui fait le plus grand mal, car à peine est-il capable de courir, aussitôt ses vices prennent, en même temps que lui, la clé des champs. Voilà ce qu'enseigne le peuple à propos des infirmes. Et pourquoi Zarathoustra n'apprendrait-il pas aussi quelque chose du peuple, si déjà le peuple apprend de Zarathoustra ? Mais c'est pour moi la chose qui compte le moins depuis que je vis parmi les hommes, de voir qu'il manque un œil à celui-ci, une oreille à celui-là, et la jambe à un troisième, et qu'il y en ait d'autres qui ont perdu la langue, le nez ou la tête. J'ai vu des choses pires, et certaines si répugnantes, que je n'aimerais pas en parler, pas même me taire à propos de certaines autres, à savoir des êtres humains à qui tout manque, excepté une chose dont ils ont de trop. des êtres humains qui ne sont rien d'autre qu'un grand œil, ou une grande gueule, ou un gros ventre, et quelque chose d'autre de grand. Je les appelle des estropiés à l'envers. Et comme je venais de ma retraite solitaire et que pour la première fois je franchissais ce pont, je n'en crus pas mes yeux, je regardais, regardais encore, et dis enfin « Mais c'est une oreille, ça, une oreille de la taille d'un homme !» Je regardais mieux encore et vraiment, il y avait quelque chose d'autre en dessous, de pitoyablement petit, méprisable et débile. Et effectivement, cette oreille monstrueuse était plantée sur une tige mince et petite. Mais la tige, c'était un homme. Et celui qui se serait mis, en plus, une loupe devant l'œil, aurait même pu distinguer un petit visage jaloux. Il aurait même pu voir une petite âme toute boursouflée se balancer à la tige. Mais le peuple me dit que la grande oreille n'était pas seulement un homme, mais un grand homme même, un génie. Mais jamais je ne crois le peuple quand il parle de grands hommes. Et j'ai gardé la conviction que c'était un infirme à l'envers, qui avait trop peu de tout et trop d'une chose. Zarathoustra avait parlé ainsi au bossu et à ceux dont il était le porte-parole et l'avocat. Il se tourna avec un profond mécontentement vers ses disciples et dit « En vérité, je marche au milieu des hommes comme au milieu de fragments dispersés et de membres d'hommes. » Voilà ce qui est le pire pour mon œil, trouver l'homme réduit en décombres et dispersé comme sur un champ de bataille ou dans un abattoir. Et mon regard fuit-il de maintenant à jadis, il trouve toujours la même chose, des fragments, des membres dispersés et d'horribles hasards, mais pas d'hommes. Le maintenant et le jadis sur terre, ah mes amis, c'est cela pour moi la chose la plus insupportable et je ne saurais plus vivre si je n'étais un voyant de ce qui viendra. Un voyant, un voulant. Un créateur, un futur et un pont du futur. Et hélas, en même temps encore tout à fait un infirme près de ce pont. Voilà tout ce qu'est Zarathoustra. Et souvent aussi vous vous êtes demandé, que nous est Zarathoustra? Comment doit-il s'appeler pour nous? Et tout comme moi, vous avez fait réponse par des questions. Est-il un promettant ou un accompli? Est-il un conquérant ou un héritier? Un automne ou le soc d'une charrue? Un médecin ou un malade guéri? Est-il poète ou véridique? Un libérateur ou un dompteur? Un lion ou un méchant? Je marche au milieu des hommes comme parmi les fragments du futur, de ce futur que je vois. Et voilà toute ma poésie et mon désir et ma rêverie, que je rassemble et compose en un poème ce qui est fragment et énigme et horrible hasard. Et comment pourrais-je être homme si l'homme n'était pas aussi poète? Et s'il ne savait résoudre les énigmes et délivrer du hasard, délivrer ceux qui sont passés et métamorphoser tout c'était en un je le voulais ainsi. Voilà seulement ce qui pour moi pourrait s'appeler rédemption. Volonté, tel est le nom du libérateur et de celui qui apporte la joie. Voilà ce que je vous enseignais, mes amis, mais apprenez ceci par-dessus le marché. La volonté elle-même est encore une prisonnière. Vouloir libère. Mais quel est le nom de ce qui m'est encore libérateur lui-même offert? C'était. Voilà le nom du grincement de dents de la volonté et son affliction la plus solitaire. Impuissante à l'égard de tout ce qui a été fait, elle contemple le passé pleine de colère. La volonté ne peut vouloir revenir en arrière. Qu'elle ne puisse briser le temps et l'avidité du temps, voilà l'affliction la plus secrète de la volonté. Vouloir libère. Qu'invente la volonté elle-même pour qu'elle se débarrasse de son affliction et se moque de sa prison? Ah, chaque prisonnier devient un fou. La volonté prisonnière se délivre, elle aussi, de folle manière. Que le temps ne fasse pas marche arrière, voilà ce qu'il hérite. Ce qui était, tel est le nom de la pierre qu'elle ne peut faire rouler. Et ainsi, de colère et de déplaisir, elle roule des pierres et exerce sa vengeance contre ce qui ne peut, comme elle, ressentir irritation et déplaisir. Ainsi la volonté, ce libérateur, s'est mise à faire mal et elle se venge sur tout ce qui peut souffrir de ce qu'elle ne peut revenir en arrière. Ceci, oui, ceci seul est la vengeance même, le ressentiment par lequel la volonté en veut au temps et à son c'était. En vérité, une grande folie bouffonne habite dans notre volonté et c'est devant la malédiction de tout ce qui est humain que cette folie bouffonne est appris l'esprit. L'esprit de la vengeance. Mes amis, c'était jusqu'ici la meilleure réflexion de l'homme. Et où il y avait souffrance, il devrait toujours y avoir châtiment. Châtiment, en effet. C'est ainsi que s'appelle la vengeance elle-même. Avec une parole mensongère, elle feint la bonne conscience. Et parce qu'il y a souffrance chez le voulant lui-même, parce qu'il ne peut vouloir en arrière, ainsi la volonté et toute la vie elle-même devraient être châtiment. Or, image sur image s'entassait sur l'esprit, jusqu'à ce qu'enfin la folie prêcha. Tout passe, c'est pourquoi tout mérite de passer. Et c'est la justice même, cette loi du temps qui l'oblige à dévorer ses propres enfants. Ainsi prêchait la folie. Peut-il y avoir délivrance s'il y a un droit éternel ? Ah, la pierre, c'était, est immuable. Il est nécessaire aussi que tous les châtiments soient éternels. Ainsi prêchait la folie. Il n'est pas d'action qui puisse être anéantie. Comment, par le châtiment, pourrait-elle être annulée ? Qu'il faille sans cesse que l'existence soit encore et encore l'action et la faute. Oui, ceci est ce qu'il y a d'éternel dans ce châtiment qu'est le fait d'exister. À moins qu'enfin la volonté ne se délivre elle-même et que le vouloir ne devienne non-vouloir. Cependant, mes frères, vous connaissez cette fable que chante la folie. Je vous ai entraîné loin de ces chansons et de ces fables lorsque je vous enseignais « La volonté est un créateur ». Tout c'était est un fragment, une énigme, un horrible hasard. Jusqu'à ce que la volonté créatrice dise à ce propos « Mais je l'ai voulu ainsi ». Jusqu'à ce que la volonté créatrice dise à ce propos « Mais je le veux ainsi, je le voudrais ainsi ». Mais a-t-elle déjà parlé ainsi ? Et quand cela arrive-t-il ? La volonté est-elle déjà dételée de sa propre démence ? La volonté a-t-elle déjà été son propre libérateur ? A-t-elle déjà été celle qui apporte la joie à elle-même ? A-t-elle désappris l'esprit de vengeance et tout grincement de dents ? Et qui lui a appris à se réconcilier avec le temps ? Et qui lui a appris quelque chose de plus haut que l'est toute réconciliation ? Il faut que la volonté veuille quelque chose de plus élevé que l'est toute réconciliation. Cette volonté qui est volonté de puissance, comment pourtant ? Qui lui a en outre appris à vouloir revenir en arrière ? Mais en cet endroit de son discours, Zarathoustra tout à coup s'interrompit et ressembla en tout point à quelqu'un d'extrêmement effrayé. L'œil épouvanté, il regardait ses disciples. Son œil transperçait comme avec des flèches leurs pensées et leurs arrière-pensées. Mais après quelques instants, le voilà qui se remit à rire et dit rasséréné : Il est dur de vivre avec les hommes parce que se taire est si difficile, surtout pour un bavard. Ainsi parlait Zarathoustra. Mais le bossu avait écouté la conversation et s'était couvert le visage. Cependant, lorsqu'il entendit rire Zarathoustra, il leva les yeux pleins de curiosité et dit avec lenteur : Mais pourquoi Zarathoustra nous parle-t-il autrement qu'il parle à ses disciples ? Zarathoustra répondit : Qu'y a-t-il là-dedans d'étonnant ? Avec les bossus, on peut quand même bien parler bossu. Bien, dit le bossu, et avec les écoliers, on peut bien sortir les ragots de l'école. Mais pourquoi Zarathoustra parle-t-il autrement à ses élèves qu'à lui-même ? Du discernement humain. Ce n'est pas la hauteur, c'est la pente qui est chose épouvantable. La pente où le regard dévale vers le bas et où la main se porte vers le haut pour saisir. Là, le cœur a le vertige devant sa volonté double. Ah, mes amis, devinez-vous aussi la double volonté de mon cœur ? Cela, c'est ma pente et mon danger, que mon regard se précipite vers les hauteurs et que ma main se tienne et s'appuie sur la profondeur. Ma volonté s'agrippe à l'homme, avec des chaînes je m'attache à l'homme, parce que je suis arraché, emporté vers le surhumain. Car c'est là-bas que veut aller mon autre volonté. Et c'est à cette fin que je vis aveugle parmi les hommes, tout comme si je ne les connaissais pas, pour que ma main ne perde pas tout à fait sa foi en quelque chose de solide. Je ne vous connais pas, homme. Cette obscurité et cette consolation s'étendent souvent autour de moi. Je suis assis sur le chemin qui mène aux portes, à la disposition de tous les faquins, et je demande : qui veut me tromper ? C'est là mon premier discernement humain, de me laisser tromper pour ne pas être sur mes gardes contre les escrocs. Ah, si je me gardais des hommes, comment l'homme pourrait-il être une ancre pour retenir mon ballon ? Par trop facilement, je pourrais être arraché et emporté vers les hauteurs. Il y a au-dessus de mon destin cette providence que je dois être sans prudence. Et celui qui ne veut pas mourir de soif parmi les hommes doit apprendre à boire dans tous les verres. Et celui qui veut rester propre parmi les hommes doit aussi savoir se laver avec de l'eau sale. Et souvent je me suis parlé ainsi pour me consoler. Allons, debout, vieux cœur, un malheur t'est arrivé, jouis-en comme de ton bonheur. Mais ceci est mon autre discernement d'homme. Je ménage plus les vaniteux que les fiers. La vanité blessée n'est-elle pas mère de toutes les tragédies ? Mais là où il y a de la fierté blessée, il pousse quelque chose de meilleur encore que ne l'est la fierté. Pour que la vie soit bonne à regarder, il faut qu'elle soit bien jouée. Et pour cela, il faut de bons acteurs. Je trouvais tous les vaniteux bons acteurs. Ils jouent et veulent qu'on aime les regarder. Tout leur esprit s'attache à cette volonté. Ils se mettent en scène, ils s'inventent eux-mêmes. J'aime contempler la vie dans leur voisinage. Cela guérit de la mélancolie. C'est pourquoi je ménage les vaniteux, parce qu'ils sont des médecins pour ma mélancolie et qu'ils m'attachent à l'homme comme à un spectacle. Et puis, qui donc mesure toute la profondeur de la modestie du vaniteux ? Je lui veux du bien et j'ai pitié de lui à cause de sa modestie. Il veut apprendre de vous sa foi en lui-même. Il se nourrit de vos regards. Il dévore la louange dans vos mains. Il croit encore vos mensonges, si vous mentez bien à son propos. Car au plus profond de lui-même, son cœur soupire. Que suis-je ? Si la vraie vertu est celle qui s'ignore, alors le vaniteux de même ignore sa modestie. Mais ceci est mon troisième discernement d'homme, de ne pas me laisser gâcher la vue des méchants par votre caractère timoré. Je suis rempli d'allégresse à voir les merveilles que fait éclore le soleil brûlant, des tiges, des palmiers et des serpents à sonnette. Parmi les humains aussi, l'ardeur du soleil fait encore éclore de belles couvées, et chez les méchants, bien des choses fort étonnantes. Tout comme vos sages illustres me parurent au fond pas tellement sages, de même j'ai trouvé la méchanceté des hommes inférieure à sa réputation. Et souvent je me suis demandé en hochant la tête, pourquoi sonner encore, serpent à sonnette ? En vérité, il y a même pour le mal encore un avenir, et le midi le plus brûlant n'a pas encore été découvert pour l'homme. Il y a maintes choses, aujourd'hui, que l'on qualifie de pire méchanceté et qui pourtant ne sont larges que de 12 pieds et longues de 3 mois. Mais un jour, de plus grands dragons verront le jour. Car pour que ne manque point au surhumain le surdragon qui soit digne de lui, il faut encore que beaucoup de soleil brûlant jette son incandescence sur l'humide forêt vierge. Il faut d'abord que vos chats sauvages soient devenus des tigres et vos crapauds empoisonnés des crocodiles. Car à bon chasseur, bonne chasse. Et en vérité, vous, les hommes de bien, vous, les justes, il y a trop de choses risibles en vous, et d'abord votre crainte de ce qui jusque-là s'appelait diable. Vous êtes à ce point dans votre âme, étranger à ce qui est grand, que le surhumain vous semblerait terrible dans sa bonté. Et vous, sages, vous qui savez, vous vous enfuiriez devant l'incandescence du soleil de la sagesse, dans laquelle le surhumain baigne avec volupté sa nudité. Vous, hommes les plus hauts que mon regard ait rencontrés, c'est mon doute en vous et mon rire secret. Je devine que vous appelleriez mon surhumain « diable ». Ah, je suis là de ces très hauts, de ces meilleurs. J'aspirais à m'élever loin, hors de leur hauteur, à partir vers le surhumain. L'horreur me prit lorsque je vis ces meilleurs tout nus. Alors les ailes me poussèrent pour m'envoler vers de lointains futurs, vers des futurs plus lointains, des midis plus au midi encore que ne les a jamais rêvés aucun artiste. Vers des lieux où des dieux auraient honte de tout vêtement. Mais je veux vous voir travestis, vous qui êtes les proches, vous compagnons en humanité, et je veux vous voir endimanchés et vaniteux et dignes, je veux vous voir en bon et juste, et moi-même je veux être assis parmi vous, travestis, pour que je vous méconnaisse, vous, et que je me méconnaisse moi-même. Voilà en effet mon suprême discernement d'homme. Ainsi parlait Zarathoustra. L'heure la plus silencieuse. Que m'est-il arrivé, mes amis ? Vous me voyez troublé, comme emporté, à la fois rétif et docile, prêt à m'en aller, prêt, hélas, à vous quitter. Oui, il faut encore une fois que Zarathoustra se retire dans sa solitude, mais c'est sans plaisir cette fois que l'ours retourne à sa caverne. Que m'est-il arrivé ? Qui donc me l'ordonne ? Hélas, c'est ma coléreuse maîtresse qui le veut ainsi. Elle m'a parlé. Vous ai-je donc jamais dit son nom ? Hier soir m'a parlé mon heure la plus silencieuse. Tel est le nom de ma terrible maîtresse. Et voilà ce qui s'est passé. Car je dois tout vous dire afin que votre cœur ne s'endurcisse point contre celui qui vous quitte soudainement. Connaissez-vous l'effroi qu'éprouve celui qui s'endort ? Il en frémit jusqu'aux orteils de ce que le sol se dérobe et que le rêve commence. Ceci, je vous le dis à titre de parabole. Hier, à l'heure la plus silencieuse, le sol se déroba sous moi. le rêve commençait. L'aiguille avançait, l'horloge de ma vie reprenait son souffle. Jamais je n'entendis pareil silence autour de moi, au point que mon cœur en frissonnait. Alors quelque chose me parla sans voix. Tu le sais, Zarathoustra ? Et je criai d'effroi devant ce murmure et le sang se retira de mon visage, mais je me tus. Alors quelque chose me parla à nouveau sans voix. Tu le sais, Zarathoustra, mais tu ne le dis pas. Et je répondis comme par défi. Oui, je le sais, mais je ne veux pas le dire. Alors quelque chose, de nouveau, me parla sans voix. Tu ne veux pas, Zarathoustra ? Est-ce bien vrai ? Ne te cache pas dans ton défi. Et je pleurais et tremblais comme un enfant et je disais, j'aimerais bien, mais comment pourrais-je ? Fais-moi grâce de cela, c'est au-dessus de mes forces. Alors de nouveau quelque chose me parla sans voix. Qu'importe ta personne, tu n'es pas encore assez humble à mon gré. L'humilité a la peau la plus dure. Et je répondis, que n'a pas déjà porté la peau de mon humilité ? J'ai habité au pied de mes hauteurs. Combien haut sont mes sommets ? Personne ne me l'a encore jamais dit, mais je connais bien mes vallées. Alors de nouveau, quelque chose me parla sans voix. Ô Zarathoustra, celui qui doit transporter des montagnes, celui-là transporte aussi les vallées et les dépressions. Et je répondis, jusqu'ici mes paroles n'ont pas encore déplacé de montagnes et ce que j'ai dit n'a pas atteint les hommes. Je suis certes allé vers les hommes, mais je ne suis pas encore arrivé jusqu'à eux. Alors de nouveau quelque chose me parla sans voix. Qu'en sais-tu ? La rosée tombe sur l'herbe quand la nuit est la plus silencieuse. Et je répondis. Ils se moquèrent de moi lorsque je trouvais mon propre chemin et que je le pris. Et en vérité, mes jambes m'en tremblaient alors. Et ils me dirent, tu as désappris le chemin, maintenant tu désapprends également la marche. Alors quelque chose de nouveau me parla sans voix. Qu'importe leur moquerie ? Tu es de ceux qui ont désappris l'obéissance. Maintenant tu dois commander. Ne sais-tu pas qui est celui qui est le plus nécessaire à tous ? Celui qui ordonne de grandes choses. Accomplir de grandes choses est difficile, mais ce qui est plus difficile encore, c'est d'ordonner de grandes choses. Voilà ce qui est en toi, ce qu'il y a de plus impardonnable. Tu as la puissance et tu ne veux exercer le pouvoir. Et je répondis, il me manque la voix du lion pour commander. Alors encore quelque chose me parla, comme un murmure. Ce sont les mots les plus silencieux qui amènent la tempête. Des pensées qui viennent sur des pattes de colombe mènent le monde. Ô Zarathoustra, tu dois aller comme une ombre de ce qui viendra forcément. Ainsi, tu vas commander et tu avanceras tout en commandant. Et je répondis, j'ai honte. Alors de nouveau, quelque chose me parla sans voix. Il te faut encore devenir enfant et sans honte. La fierté de la jeunesse est encore sur toi. C'est tard que tu es devenu jeune. Mais celui qui veut devenir un enfant, celui-là doit encore surmonter sa jeunesse. Et je réfléchis longtemps et je tremblais. Mais enfin je dis ce que j'avais dit au début. Je ne veux pas. Alors il s'éleva un rire autour de moi. Ô douleur, combien ce rire me déchira les entrailles et me fendit le cœur. Et pour la dernière fois, il me fut parlé. Ô Zarathoustra, tes fruits sont mûrs, mais tu n'es pas mûr pour tes fruits. Aussi te faut-il retourner à ta solitude, car il te faut devenir à point. Et cela rit encore et s'enfuit, puis tout se tut autour de moi, comme un double silence. Et moi j'étais étendu sur le sol et la sueur coulait de mes membres. Maintenant vous avez tout entendu. Et pourquoi je dois retourner à ma solitude ? Je ne vous ai rien caché, mes amis. Mais vous m'avez aussi entendu vous dire quel est celui des hommes qui est le plus secret et qui veut l'être. Ah, mes amis, j'aurais encore quelque chose à vous dire. J'aurais encore quelque chose à vous donner. Pourquoi ne vous le donnais-je pas ? Suis-je avare ? Lorsque Zarathoustra eut dit ces mots, toute la puissance de la douleur l'envahit et la proximité de l'adieu qu'il allait dire à ses amis, au point qu'il en pleura tout haut, et personne ne savait comment le consoler. Mais la nuit venue, il partit seul et quitta ses amis.